Aujourd'hui, en fait, dans cette société idéale, on s'est dit qu'on pourrait imaginer des droits locaux ou régionaux valables pour un territoire et une communauté, mais pas une autre, selon ses besoins et le contexte local. Un peu comme le droit coutumier. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire, le droit coutumier, donc si quelqu'un peut me l'expliquer, ça serait très sympathique. Donc c'est un droit qui est non écrit, apparemment, qui s'applique encore dans beaucoup de situations. Pour l'agriculture, par exemple. Donc voilà, donc je lance un petit peu ce débat sur les droits locaux régionaux, valables pour un territoire, une communauté. Tout en sachant ce qu'on avait dit, je le crois de mémoire, c'est que forcément il y a... Alors je ne sais pas si c'est vraiment des droits, et c'est peut-être ça finalement le droit coutumier, mais dans certaines régions il y a déjà des pratiques, des choses qui sont faites... en Bretagne, en Catalogne, des choses comme ça. Et il y a déjà une organisation, entre guillemets, qui s'est mise en place depuis fort longtemps. Mais dans d'autres régions où il y a un petit peu moins d'identité, ou en Ile-de-France, par exemple, où on se cherche un petit peu encore une identité, on ne sait pas trop. En fait, il y en a plein d'identités, c'était ça le truc. On me donne la définition du droit coutumier. Et par contre, tu vas prendre le micro et tu vas nous l'expliquer. Ok, alors j'espère juste qu'avec le téléphone ça va le faire. Donc le droit coutumier, si on reprend donc Wikipédia, et effectivement, moi c'est un truc qui me rappelle des souvenirs parce que j'ai étudié ça. Et oui, en intro au droit. Et en fait, en gros, c'est tout ce qui est lié à la coutume. Et donc si on prend la définition de Wikipédia, la coutume est un usage juridique oral consacré par le temps et accepté par la population d'un territoire déterminé. La coutume est donc une source de droit. Ça va, c'est plus clair maintenant? Donc par exemple, la coutume en Bretagne de faire des fest-noz, c'est du droit ou pas? Oui, d'accord, tu me files le micro parce que je suis breton, forcément je vais savoir. Ouais, bah j'en sais rien. D'accord. Il y a des bretons par ici? Est-ce qu'il y a des bretons? Bon, bah écoute, je suis désolé Sylvain, mais il n'y a pas de bretons dans le coin, donc il n'y a que moi, ouais, mais voilà, ça arrive. Non, mais plus sérieusement. Et effectivement, est-ce que je pense qu'on en parlait, il y a des barrières assez on va dire naturelles, que ce soit des montagnes, et il y a certaines villes qui peuvent être dans des cuvettes, ça peut être des plaines. Moi je pense un petit peu à ce qui se passe, à ce qu'ils nous ont expliqué les gens de Nuit de Bounis ici. Avec cette fameuse plaine où les migrants vont et finalement ne peuvent pas trop sortir, et ils se retrouvent avec les bergers, enfin les agriculteurs. Il y avait une personne qui avait été jugée à Nice parce qu'elle avait accueilli ces gens et leur avait donné à manger et elle les avait elle les avait aidés, voilà, très dignement, et comme n'importe quel être humain peut, en tout cas, peut le faire. Et c'est vrai que dans ces vallées, il y en a de nombreux en France, mais dans d'autres pays. Là, je parlais du fest-noz en Bretagne avec un petit peu d'humour. Mais on a tous des espèces de traditions. Alors après, c'est assez rigolo parce que finalement, on se rend compte que ça n'a pas forcément le même nom. Ça n'a pas forcément, mais il y a un espèce de fond qu'on retrouve partout. Et ça, on le retrouve dans ce qui reste un peu de lien social avec les gens qui se regroupent pour faire des fêtes. Dans des endroits, ça peut s'appeler des férias, dans d'autres, c'est des fêtes de village, dans d'autres, c'est d'autres noms que je ne connais pas. Il y a des danses, entre guillemets, qui sont locales. Et en fait, moi, je retrouve un petit peu ça. Et c'est vrai que c'est assez rigolo que ça soit plus dans des choses qui sont sociales. Après, au niveau agricole, moi, honnêtement, je ne sais pas trop. Après, ça dépend des régions. Mais voilà, j'ouvre le champ et je vais éviter de faire un monologue. Donc, n'hésitez pas à intervenir si vous avez quelque chose à dire sur le droit coutumier et sur les coutumes. Non, pas forcément. D'accord. Donc les coutumes, on les fout à la poubelle ou on les garde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les coutumes sont plus importantes que le national, que l'international, ou au contraire c'est un repli sur soi-même? Oui, peut-être pour revenir sur les droits coutumiers. Alors là, je ne vais pas parler du national et de l'international, mais du local. Ici, on a pris l'habitude de chaque week-end d'être ici pour occuper la place de la République. Et il n'y avait pas cette habitude avant, maintenant il y a cette habitude. Si les commerces avaient trouvé que notre occupation, les commerces alentours, était dangereuse pour leur business, on va dire, ils auraient très bien pu s'organiser en comité pour dire nous, on était habitués d'avoir un commerce ici, et là, soudainement, à cette situation, cette activité-là, nuit à nos activités, du coup ça se serait retrouvé en justice, et forcément c'est plus ceux qui étaient là avant, les commerces, le business et tout, qui auraient des chances de gagner. Donc le droit coutumier, c'est aussi au niveau de l'occupation de la place, le fait qu'on soit présent maintenant, qu'on ait l'habitude d'être ici, que les gens ont été habitués à nous connaître, on a peu à peu gagné le droit d'occuper. Ce qui avant était un geste révolutionnaire devient de plus en plus une habitude qui pourrait s'inscrire plus tard dans le droit. Par exemple, on pourrait voir dans le droit, bon, effectivement, il y a déjà le droit de manifester, hein, mais l'occupation d'une place publique par un mouvement, je ne sais pas si on peut dire politique, mais... Social. Social. Bon, social. Social, comme ayant des codes du type vous pouvez occuper la place, mais vous devez respecter telle condition, telle condition, telle condition, telle condition. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est on est en train de créer une coutume, une habitude. Bonjour. On est en train de créer une habitude, donc on crée un droit derrière. On n'est plus dans un geste, on est de moins en moins dans un geste, je dirais, révolutionnaire, et de plus en plus dans un geste au niveau local, ici, hein, pour la place de la République, qui pourrait s'inscrire dans du droit avec des conditions, avec des restrictions, des choses comme ça. Ouais, donc ce que tu nous expliques, effectivement, c'est que finalement, entre guillemets, on était sur le droit coutumier, mais une coutume, en fait, c'est pas forcément quelque chose qui est ancré depuis des années. Ça peut être aussi quelque chose qu'on a quelque part, qu'on apporte et qui devient par nature un droit et finalement une espèce de coutume qui peut-être, si on nous regarde dans 50 ans, dans 50 ans, ils se diront, bah tiens, ils avaient la coutume d'aller à République tous les dimanches, tous les samedis. Qui deviendra une espèce... La coutume entraîne le droit. Ok, la coutume entraîne le droit. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, c'est vrai que là, en réfléchissant un petit peu, on oppose souvent la... Enfin, on nous dit souvent cette expression, faut vivre avec son temps. Faut vivre avec son temps, voilà, il faut aller vers le numérique, il faut avoir le smartphone, il faut avoir la tablette, il faut être connecté. Et finalement, c'est une espèce... Alors, je dirais pas d'opposition, mais parfois oui, parce que y a des gens qui n'ont pas forcément envie de suivre le mouvement, et justement qui aiment bien les coutumes, qui aiment bien les traditions, et qui finalement, je sais pas, alors les deux sont pas incompatibles à mon sens, mais du coup, on a tendance aujourd'hui à vouloir à nous formater dans quelque chose que les gens n'ont pas forcément envie d'aller. On en parle souvent ici, mais la numérisation de la société, il y a des gens qui sont à donf dedans, mais il y en a d'autres, non, pas forcément, et qui n'en ont pas besoin. Et c'est vrai que ce que je trouve très surprenant, parce que c'est quand même une richesse, hein, tout ça, toutes ces coutumes ou toutes ces habitudes, c'est une richesse pour la France. Et il faut pas, voilà, il faut pas non plus que ça se transforme en un espèce de repli sur soi et un régionalisme que peut utiliser à outrance certains extrêmes. Mais justement, c'est une sorte de, comme une sorte de fierté, quoi. De, je sais pas, je disais tout à l'heure, je parlais des fesses neuves en Bretagne, mais moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'avais les yeux grands ouverts. Et j'étais très content de participer à ce genre de choses. Et les oreilles aussi, même si au bout de 3 heures, quand même, c'est un peu fatigant, mais. Mais moi, voilà, en Catalogne, ils ont d'autres danses, en Berne, ils ont d'autres danses, à Biarritz, ils ont autre chose aussi. Et c'est vrai qu'on a tendance souvent à comparer tout ça, à comparer et à opposer tout ça. Mais finalement, voilà, pourquoi on pourrait pas, entre guillemets, faire des hashtags, hashtag Fesnoz, j'en sais rien, un truc comme ça. Bon, voilà, enfin, en tout cas, c'est, moi, ça me surprend toujours. Et c'est un petit peu dommage et qu'on laisse un petit peu tout ça à certains individus. Parce que encore une fois, c'est, pour moi, c'est une richesse et c'est une ouverture, en fait. Donc effectivement, le droit coutumier, pour moi, en tout cas, dans la société idéale, ouais, il est très important. Mais effectivement, pourquoi pas le développer dans certains endroits où, notamment dans les villes ou dans les milieux citadins où ça a tendance un petit peu à se perdre. Et justement, en tout cas, l'inventer ou le réinventer. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, on est malheureusement très individualisé. Et du coup, ici, on crée du lien social, mais dans beaucoup d'endroits, en fait, on le défait. Et effectivement, enfin, moi, je serais pour, mais alors, après, comment on peut le faire? Qui veut le faire? Je ne sais pas. Ah, j'ai une main qui se lève. Et alors là, c'est n'importe quoi, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, justement. Et c'est ça aussi, le fait que les hommes et les femmes n'ont plus d'honneur. Et c'est un truc qui, pour moi, est toujours important, c'est plus d'honneur et plus de dignité. C'est ce qu'on voit surtout de plus en plus aujourd'hui chez les hommes politiques. Hein. Ils sont capables de voler, de mentir, de faire vraiment n'importe quoi, et ils restent en fonction. Dans le temps, quand il y avait la tradition, un homme qui était surpris en train de battre sa femme, de voler ou de ne pas être très correct, pour lui c'était fini. On ne démissionnait pas, mais sa dignité baissait complètement. Il devenait comme un clochard, quoi. Même en ayant sa ferme, son travail, etc. C'était plus le même homme. C'était plus du tout considéré par les autres. Hein. Et ça, c'est aujourd'hui, justement, c'est un peu partout. Je veux dire, c'est dans toutes les fonctions, même ce qu'on voit dans par exemple en Afrique, c'est un truc qui me désole. Franchement, la femme africaine a été super respectée, était super. C'est elle qui maintenait justement la coutume, qui disait voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Avant, on faisait comme ça, et il fallait continuer. Maintenant, les hommes font n'importe quoi, ils sont capables de violer des femmes, des enfants, et avant c'était pas possible. Il y a seulement 10 ans ou 20 ans, c'était absolument impossible. Un homme qui faisait ça, on lui coupait les couilles et puis c'était fini. Oui, je vous exagère un peu, mais... Un tout petit peu. Non, mais c'est... Ça a l'air... Ça peut être métaphorique, mais ça marchait, mais c'est ça le... Moi, j'ai lu un truc, ça j'ai pas lu, mais en parlant de l'Afrique, dans certains villages, je ne sais plus quelle région africaine, un guerrier avait chacun avait son arc, ses flèches, sa lance, et si jamais une femme touchait son arc, il était plus chasseur, il pouvait plus faire, et il devenait vraiment un clochard, mais physiquement, je veux dire. Il traînait, il demandait à manger, etc. Alors qu'il pouvait être un très bon chasseur, mais il suffisait un mauvais mouvement par une adversance, une femme touche son arc, c'est fini. Il n'est plus chasseur, il n'est plus un homme. Et il n'est même plus capable de baiser, c'est pas possible, il n'est plus rien. Et ça existait vraiment, je veux dire, psychologiquement, c'était très fort. Et d'un côté, c'est... Comment dire, enfin, à mon avis, ça existe encore aujourd'hui. Et justement, comment dire, les personnes, ils rentraient. Ça c'est toujours pareil, c'est un raccourci. Les personnes dérangées mentalement, c'est des personnes qui, à mon avis, ça c'est mon avis, qui ont tellement changé de morale, de tradition, qu'un jour d'une manière, un jour d'une autre, à un certain moment, ils ne savent plus où ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont complètement incohérents moralement et qui n'ont pas de règles, mais ils ne s'en rendent pas forcément compte, c'est pas forcément fait exprès. Et à un certain moment, ils ne savent plus qui ils sont et c'est ça la folie d'aujourd'hui. Et ça peut être aussi bien un scientifique qu'un homme politique que la banquier, par exemple. Ok, donc on est toujours à l'Audio Éducation Populaire tous les week-ends. Ok, on parle de droits coutumiers dans la société qu'on veut. Par curiosité, c'est dans quoi vous parliez au niveau de la coutume et de la tradition. Pardon ? De la coutume et de la tradition. Et en fait, est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'aujourd'hui, au final, on n'est pas du tout dans une relation comme dans les sociétés primitives où c'était basé sur la coutume et la tradition, c'est ça qui unissait les gens. Mais là aujourd'hui on est basé sur une fonction de complémentarité entre les gens. Tu as des gens qui vont travailler dans le service public, d'autres qui vont travailler dans le privé, d'autres dans les hôpitaux, d'autres dans les écoles. Ce qui fait que tu as une relation à ton environnement naturel qui va être différente. Et vu que c'est pas basé sur la tradition ou la coutume, c'est toi qui vas te générer par toi-même en fait des affects par rapport à ton environnement, ce qui va te créer un communautarisme, un particularisme particulier en fonction d'une fonction sociale, etc. Et donc du coup, c'est-à-dire que la coutume, elle est secondaire, elle est plus primordiale en fait dans nos relations sociales à l'heure actuelle. Et ce qui génère en fait le fait qu'on avait universalisé par notre géopolitique et notre fonctionnement économique, c'est ça le principal. Et derrière, la croyance revient, bah, c'est pas ce qui fait le socle de nos liens sociaux finalement. La coutume, c'est plus ça, c'est le fait qu'il faut aller se soigner, il faut aller s'éduquer, il faut gagner de l'argent et que finalement, c'est devenu secondaire et ça s'interchange puisqu'on se mélange tous là maintenant. Puisqu'on a tous développé nos propres particularismes, notre singularité entre guillemets, et on a un grand mélange de cultures, et ce qui fait qu'on est, enfin, on peut plus, on ne sera jamais d'accord. En fait, j'ai l'impression, dans le sens où on n'a rien qui vient du cœur, qui nous relie dès le départ, mais plutôt une dépendance, une nécessité. Et du coup, je me dis pas, je dis ça comme ça. C'est ce que je ressens. Merci, il n'y a pas de souci, tout est bien. Après, c'est vrai que ça, ce que je disais un peu tout à l'heure, ça dépend. Après oui, il y en a qui se raccrochent quand même à leurs origines et à certaines coutumes. Alors après effectivement cette notion de communautarisme, là je l'entends complètement. Je me rappelle avoir entendu le rappeur Akhenaton il y a quelques temps dire avant dans les cités on était tous dans la merde, on était tous soudés, et aujourd'hui c'est un peu chacun dans son coin. Et on le voit malheureusement, et on voit les effets que ça a actuellement. Mais ouais, c'est très intéressant en tout cas ce propos. Et c'est vrai que du coup finalement ce droit coutumier, moi la question c'est est-ce que dans la société idéale, est-ce qu'on garde, est-ce qu'il peut-être faut l'écrire, parce que j'entends que des fois il se perd et on est perdu, est-ce qu'il y a besoin de l'écrire ou pas, j'en sais rien, enfin, dans laisser une trace. Après peut-être que les historiens diront que c'est il faut mieux, mais voilà, j'ouvre plein de portes. À mon avis, c'est à partir du moment où il est écrit, il est foutu. Ça marche plus. Il faut que ce soit quelque chose qui... Dans la tradition, ça parle du passé, ça vient du fond de la nuit des temps, et c'est ça l'autorité qui vient des ancêtres. Des ancêtres des morts qui sont en quelque sorte les gardiens de la coutume. Et de désobéir à la coutume, c'est déshonorer aussi les morts quelque part, c'est les trahir, c'est couper le lien entre les vivants et les morts. Et dans le passé, c'était quelque chose de fondamental. Maintenant, ça n'existe plus. Les morts, on les jette et on s'en fout. Alors, surtout, il ne faut même pas en parler. Si ça arrive, c'est bien, c'est pas bien. Comment dire, c'est ce qu'on voit dans la contrainte, d'une certaine manière. C'est un exemple. Aujourd'hui, il faut être super intelligent. Il faut faire des choses intelligentes. Il faut faire C'est pour ça aussi la course au modernisme, aux machines, aux ordinateurs, etc. Où on donne des ordinateurs à des enfants de 2 ans. Et maintenant, il y a des tas de psychiatres, les psys des enfants. Qui disent c'est complètement absurde. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais on en parlait il y a 2-3 jours. Oui, avec une tablette, ils savent très bien compter jusqu'à 100, ils font des opérations super, formidables. Tu leur demandes, donne-moi 2 objets. 2, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Alors c'est, d'un côté, on peut dire qu'il est super intelligent, parce qu'à 2 ans, il sait super bien compter, faire des opérations. Et d'un autre côté, la vie n'a pas aucun sens pour lui. Et c'est ça la difficulté. Aujourd'hui, parce que la coutume, ça donnait un sens justement à la vie de chacun. Chacun avait sa place, avait sa position, avait son travail, d'une certaine manière. C'était chiant parce que c'était aussi souvent décidé. Quelqu'un qui naissait dans une famille de paysans, il était paysan. Quelqu'un qui naissait dans une famille de forgerons, il était forgeron. Il n'y a pas de discussion à avoir. Maintenant, on s'est libéré de ça, mais le problème, c'est que tout le reste, c'est pareil. Et un autre truc intéressant pour moi de la coutume, c'était qu'il n'y avait pas de flics pour la faire respecter. Il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de juge. Hein. Ça marchait, point, c'est tout. C'était quelque chose de normal. Si t'es dedans, t'es normal. Si t'es pas dedans, ben, tu n'existes pas, c'est simple. J'ai l'impression que c'est une version un peu rose du droit coutumier, parce que la corrida aussi, ça relève du droit coutumier, l'esclavage, ça relève du droit coutumier, c'est pas parce qu'il n'y a pas de flic, pas de prison, qu'il n'y a pas de violence, on ne peut pas choisir, on est né comme ça, on assume, il y a quand même une violence qui est là, qui est très forte aussi, qu'il ne faut pas oublier. J'ai pas connu ça, moi je parle de loin. Mais... Oui, effectivement, Didier, je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis non plus, parce que tu vas un peu loin là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne pense pas qu'en écrivant une coutume, on la fasse disparaître. À titre personnel, j'ai beaucoup d'estime pour l'écriture. Beaucoup d'estime pour, par exemple, un poème en hommage à une coutume. Je veux dire, si ce poème n'existe pas, qui peut préserver cette coutume dans les mémoires? Les écrits, les débuts de l'histoire, ce sont les écrits. Hein, donc, d'accord, ce qu'on écrit aujourd'hui ne sera peut-être pas valable demain, mais il permet d'inscrire dans la mémoire une réalité. C'est quand même bien d'écrire, non? Je veux dire, honnêtement, moi je vois une coutume que je trouve super, j'écris dessus, j'en parle, je fais pas ça pour la détruire. Regarde ce que ça donne. Voilà. Ben on est bien là, écoute, ça pourrait être pire moi je trouve. Non, moi ce qui vers quoi du coup je vais essayer d'aller, c'est qu'effectivement aujourd'hui on le voit, donc ça c'est on l'a dit tout à l'heure, ça s'est un petit peu perdu, les coutumes, etc. Mais il y a une notion aussi, en fait on est dans une espèce de relation ensemble qui est en gros, je sais pas si c'est ce que tu voulais vraiment dire tout à l'heure, mais en fait où chacun apporte forcément quelque chose à l'autre. En fait, c'est par exemple, si je te parle, ben, je te parle parce que je sais que toi, tu peux m'apporter ça. Alors, ça peut être n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Hein. Ça peut être une connaissance, ça peut être tu connais telle personne et j'ai envie de les connaître aussi, donc je vais vers toi. Et c'est vrai que il faut, enfin, en tout cas, c'est idéal. Ben, après, je me trompe peut-être, hein, mais il faudrait moins avoir ces rapports. Et je pense avoir des rapports beaucoup plus simples, en fait. Et c'est pas... Alors, rapport capitaliste, ça veut rien dire et tout dire, mais c'est un petit peu ça, quoi. C'est au bout d'un moment, qu'est-ce que tu m'apportes? Mais si tu m'apportes rien, bah, peu importe, je peux discuter avec toi, on peut se parler de tout un tas de choses, et tu files, et c'est pas parce que tu auras un carnet d'adresses bien rempli, moi, enfin voilà, c'est pas pour ça que j'irai te voir. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui, par moment, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans ce genre de relations, finalement, qui sont des relations limite professionnelles. Et en fait, ça me fait penser à, voilà, c'est un peu tout ce côté où nos dirigeants actuels dirigent la France comme une entreprise. Et finalement, nous, les Français, on serait des espèces de salariés et on se comporterait comme des salariés entre nous. Alors, je suis un peu dans une image un peu caricaturale et ultra négative, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et effectivement, alors après, je sais pas si la tradition, ça a du bon ou pas. En tout cas, elle était là, il y avait du bon et du mauvais. Enfin, tout à l'heure, on parlait du rôle de la femme, mais il y avait aussi des femmes qui se taisaient, qui ne parlaient pas, même quand elles se faisaient battre par leur mari, par exemple. C'était très rare. Alors, tu nous as dit que ça se savait dans le village, peut-être dans certains villages, mais dans d'autres, c'était vraiment des choses qui étaient tues. Et c'est vrai que, voilà, de toute façon, c'est comme dans tout système, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais du coup, c'est vrai que, pour moi, il faut qu'on arrive à sortir de ces rares. De ces rapports-là, et je pense que c'est important qu'on y sorte et qu'on ait des rapports beaucoup plus sains. Alors après, est-ce que c'est en prenant des choses, effectivement, de ces coutumes ou de ces traditions, qui est, encore une fois, pourquoi pas, est-ce que, on le disait tout à l'heure, réinventer une façon de faire et une façon de communiquer entre nous, je pense qu'il n'y a pas 36 millions de façons, mais voilà, en tout cas, la porte est ouverte. Non, une réaction, Ouais. Pour rebondir là-dessus, c'est juste, enfin, quand on regarde maintenant, on a la réalité, enfin, j'ai l'impression que ce qui manque, en fait, c'est la gratuité, juste le plaisir simple, en fait, tout est très réfléchi, tout est calculé, prémédité, et en fait, on n'arrive plus à donner juste parce que, en fait, il y a une rentabilité, et ce qui est assez bizarre, c'est que tu regardes ce qui a toujours été sain, en fait, dans un environnement. Parce que nous, ce que nous enlève la coutume, en fait, entre guillemets, c'est la possibilité de refaire par soi son environnement. T'as l'impression aujourd'hui qu'on a limite plus rien à découvrir, en fait. Tu vois ce que je veux dire, on arrive tellement qu'on est obligé de mettre des télescopes qui vont péter jusqu'à 45, je sais pas combien de milliards d'années-lumière pour aller découvrir un truc. Et t'as un arbre à côté de toi, t'arrives même pas, enfin, tu vois, tu perds cette distance-là. Et du coup, je me demande, ce qu'il a été plus ou moins vu, c'est que la nécessité de la diversité des cultures, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, qu'on perd l'universalisme. Et ça implique à un moment donné de faire des fractures en fait entre les gens, pas pour les renier, mais pour redécouvrir par soi, puis après tu vas retourner vers l'autre, échanger, tu vois ce que je veux dire. Sinon tu es toujours où tu baignes dans ce truc, dans une espèce de magma de tout que tu maîtrises pas vraiment et on te dit tu t'acceptes et Ok, non, très bien. Mais ça, on en parlait pas plus tard qu'hier, on est souvent, enfin même nous, entre les gens qui sont sur cette place, entre convaincus entre guillemets et finalement on a souvent les mêmes références, on a souvent les mêmes musiques, films, etc. Oui, l'ouverture est pour moi très, très importante et c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en disant bah voilà, il y a des choses qui sont importantes mais il faut aller au-delà. Et quand on parle de droits locaux ou régionaux, du coup je pense qu'il faut pas se replier, effectivement, il faut aller vers ces autres régions ou ces autres cultures, ces autres pays. Pour moi c'est très important. On ne peut pas effacer tout ça d'une baguette magique, a priori, même si certains voudraient éteindre de le faire. Alors il faut que ce soit clair, je ne regrette pas la tradition ni les coutumes. C'est simplement de décrire ce qu'on a perdu. Maintenant, chacun dit c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant, ça c'est le problème de chacun. C'est pas le mien. Moi, je suis bien partout. Et ce que je veux dire, c'est dans les choses qu'on a perdues, c'est par exemple à propos de la musique, hein, tu parlais de musique, hein, chaque région avait ses musiciens, avait sa musique, son style de musique. Les gens faisaient leurs instruments et ce qui changeait complètement d'une région à l'autre. Et même le langage changeait d'une région à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne disait pas les mêmes choses. Si le langage change, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui change. moi je connais plus l'Italie par exemple, c'est que d'une région, enfin j'ai vu, que d'une région à l'autre, ils se comprennent pas. Ils parlent en italien, mais en dialecte, ils se comprennent pas. Donc ça veut dire qu'ils ne disaient pas les mêmes choses, ils ne pensaient pas les mêmes choses, ils ne vivaient pas les mêmes choses. Comme avec la musique, chacun avait sa musique, ses instruments, sa manière de danser. Et que maintenant, ce que je vois et qu'ils regrettent aussi énormément, c'est qu'un Français d'origine africaine qui naît à Saint-Denis, par exemple, il aime le rap. Parce qu'il n'a pas le droit d'aimer autre chose que le rap. C'est exactement le même principe que la coutume. Il ne peut pas faire autrement. Un bobo, il va aimer la musique qu'on lui envoie à la télé ou à la radio. Parce qu'il ne peut pas faire autrement, il n'y a pas de choix. Et on est... Je vois beaucoup de gens, c'est pas tout le monde, je ne connais pas tout le monde. Ils sont complètement conditionnés par les fameux hit parades. Maintenant, il y avait à Cannes le prix du meilleur film, etc. Ou dans les expositions, ou même dans les trucs de poésie. Il y a des prix. Alors moi, je trouve que c'est complètement absurde. Comment tu peux comparer deux films et dire celui-là il est meilleur que celui-là? Comment tu peux comparer deux musiques et dire celle-là elle est bien, celle-là elle n'est pas bien? C'est complètement débile. Et pourtant ça se fait de plus en plus, et celui qui reçoit un prix, tout le monde l'écoute, tout le monde le voit, tout le monde dit ah oui c'est un poète formidable parce qu'il a beaucoup de succès. Bah, ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'il plaît à beaucoup de gens qu'il est bon. Au contraire, enfin, à mon avis, ça c'est personnel. Et ce qui disparaît, c'est justement c'est la personnalité, c'est le style, c'est le fait d'être quelqu'un, et c'est tout, il n'y a rien d'autre, d'être et basta. Maintenant, il faut qu'on démontre qu'on est quelqu'un, avec le dire, voilà, oh j'aime telle musique, je lis tel bouquin, j'étais à telle école avec tel professeur, j'ai fait l'ENA, etc. Alors là, t'es quelqu'un. Mais avant, t'avais pas besoin de tout ça. T'es quelqu'un. Parce que tu savais plein de choses, parce que tu vivais plein de choses. Et pour moi, je le vis encore et j'aimerais bien que tout le monde le vive et puisse choisir, justement. C'est bien qu'il y ait beaucoup de musique, qu'il y ait beaucoup de films, de poésie. Mais qu'on dise aux gens, dire, voilà, c'est ça que vous devez aimer et que tout le monde aime ça, alors là, moi, je dis, c'est une régression. Et juste pour rebondir là-dessus, en fait, dans la description, on voit en fait c'était la description entre guillemets de notre système de consommation où en fait on consomme une image de soi qui doit tendre à la réalisation de soi, la manière de se réaliser dans un environnement donné. Et en fait ça enlève toute forme de liberté puisqu'on va spéculer sur sa propre image, on va spéculer sur l'image de l'autre, et on va se définir, se classer, se regrouper en termes de points de vue. Alors qu'au final, en fait, il n'y a rien à penser, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est de la liberté pure, après, en fait. Mais c'est incessant, cette nécessité de vouloir être dans le juste, dans la pertinence, alors qu'on est de base non exhaustif dans notre être en tant qu'être vivant. On ne sera jamais capable d'exhaustivité par rapport à notre environnement ou la compréhension de l'organisme humain. Donc tout tend à un moment donné à des dissociations, et ce qui est, c'est ça en fait, c'est la hiérarchie par le juste et le vrai qui doit amener par exemple une société idéale ou quelque chose comme ça, alors que finalement tu regardes la société idéale, je pense qu'elle est simple, c'est du mouvement en permanence, la dynamique. Tu regardes dans ton environnement, tout est dynamique et en mouvement en permanence. Il faut créer une société qui soit dynamique, capable de se remettre en cause, avancer permanence sur chaque endroit où elle est. Oui, j'ai loupé le début de la prise de parole de Didier, mais il faisait référence à ces films qu'on doit aimer, ces poèmes qu'on doit aimer, ces gens qu'on doit aimer. À mes yeux, ça ressort d'une absence de repères au niveau des statuts. Par exemple, quelqu'un qui est banquier, il faut qu'on ait tous les critères qui prouvent qu'il est banquier. Et ça, c'est Macron. Quelqu'un qui serait... quelqu'un qui serait, je sais pas, dans l'administratif, au fonctionnaire, ou je sais pas quoi, il faut qu'il évoque son statut. Pourquoi? Parce que, selon moi, on n'est plus en capacité d'identifier un statut on n'a plus du tout de repères. C'est-à-dire on ne sait pas ce que c'est qu'un poète, on ne sait pas ce que c'est qu'un banquier, on ne sait pas ce que c'est qu'un bon film ou qu'un mauvais film. On est paumé. C'est une analyse très personnelle, c'est pas suffisamment d'arguments, hein, mais c'est... Ouais, mais pour rebondir à ce que tu dis, juste après je te passerai le micro, enfin, tu vois juste sur toutes les émissions de, on va dire, de télé-réalité, j'allais dire en mot grossier, de coaching, où maintenant faut... C'est... En fait, les gens ne savent plus faire, donc faut tout coacher. Tu coaches tout, le ménage, la pâtisserie, la cuisine, la maison que tu vas acheter, ou que tu ne pourras jamais acheter d'ailleurs, pour certains. Voilà, c'est hallucinant, on en vient à même de l'éducation, quoi, avec le machin, le grand frein, là, je sais pas quoi. Et ce que tu dis là, ouais, on le voit à travers, mais bref, pour moi, dans une société idéale, clairement, faut reprendre un petit peu des choses beaucoup plus saines. Et, finalement, les solutions, je pense qu'on les a au fond de nous, quelque part. Et c'est pas quelqu'un qui va payer des millions à nous, qui va nous dire comment faire. Pour revenir à ce que je disais au départ de la coutume, c'est le principe des règles. On dit dans le temps avant qu'il y avait la coutume, il y avait des règles, bon, ça s'appelle la coutume, mais tout le monde obéissait. Alors maintenant on dit on n'était pas libre. Et maintenant on dit on est libre parce qu'il n'y a plus aucune règle. Mais alors il y a le principe d'autorité, et quand il y a un qui dit voilà, moi je suis chef et vous devez faire ce que je dis, alors on le suit parce que de toute façon on ne sait pas quoi faire d'autre. On n'a aucune... une règle pour vivre en commun, pour vivre avec les autres, que ce soit pour apprendre à l'école, on doit apprendre comment on nous a appris, on doit subir ce qu'on nous apprend à l'école ou dans n'importe quel métier, on doit faire avec ce que dit le patron, même si on... Moi j'ai vu des gens qui étaient capables de travailler mieux que le patron, mais qui ne pouvaient pas le faire, parce que si tu ne peux pas contredire le patron, sinon tu te fais virer, puis c'est tout. Alors tu es obligé de mal travailler. Et de plus en plus, même dans la plomberie, l'électricité, quand on paye un artisan, tu sois déjà, avant qu'il vienne, ça coûte 50 euros. Et quand il vient, il peut passer encore plus, dire ben, vous me devez 500 euros et ben, oui, c'est mal fait, mais quand même j'ai bossé, donc vous me devez de l'argent. Et on est obligé de payer parce qu'il a le diplôme, donc il faut obéir. Et on est de plus en plus inséré comme ça il faut obéir à son banquier, il faut obéir aux flics surtout. Et on est... À partir du moment où il n'y a pas de règles, on n'est plus libre de rien. C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça, à mon avis, un des secrets de Macron qui arrive à... il n'y a plus que l'argent qui compte. Et moi, je suis banquier, donc moi, je vais vous dire comment il faut faire. Donc, la France, ça va être une entreprise, comme tu disais, et ça va être les règles d'une entreprise. Alors, tout le monde, beaucoup sont d'accord, dirait, c'est toujours mieux que rien. J'ai besoin de règles, il me faut des règles pour vivre, pour savoir qui je suis, comment je vis. Donc, ils proposent ça, pourquoi pas. Mais c'est aussi, à mon avis, c'est que chacun peut faire ses propres règles, mais à condition de vivre dans une communauté de gens qui sont d'accord avec les mêmes règles. Pas forcément toutes les mêmes règles, mais qui soient cohérentes. C'est ça qui est important. Et dans ces cas-là, donc, toujours dans l'optique de construire cette société idéale, est-ce qu'on ne reviendrait pas à ce qu'on a dit, c'est-à-dire par quartier, par éventuellement immeuble, pour ceux qui habitent dans des immeubles, par région, justement en fait que les gens se remettent à dialoguer entre eux, un petit peu comme... Alors je reviens de Barcelone, donc je suis un petit peu... j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Ouais. Mais du coup, un petit peu ce qui s'est passé là-bas, c'est-à-dire que les gens se sont parlé, surtout, mais au lieu de se parler, ils se sont écoutés, ils se sont rassemblés collectivement pour trouver des solutions à différents problèmes, que ce soit des problèmes énergétiques, où vous avez des assemblées de gens, parce que je ne vais pas dire citoyens, parce que société civile a été reprise par notre président, donc c'est un peu chiant, on ne sait plus trop quoi dire. Mais voilà. Mais du coup, en fait, ils ont remplacé ces espèces de services que j'appellerais moins publics. Ils se sont réunis dans la rue et la personne qui a des problèmes pour payer son eau et son électricité, du coup, il y a quelqu'un qui la suit. Et vous avez facilement 500 000 personnes qui peuvent aller dans l'entreprise qui distribue l'électricité et qui va squatter les locaux. Et en gros, qui dit, on bouge pas tant que vous n'avez pas remis à l'eau, l'électricité à telle famille, telle famille, telle famille. Et vous avez, ça a été possible uniquement parce que d'un moment, des gens se sont parlé autour d'une cause que tout le monde peut comprendre, identifier et qui touche tout le monde. Et pour moi, dans la société idéale, en tout cas, il faudrait qu'on revienne à ces choses-là et qu'on revienne à ce que les gens se parlent, mais sur des sujets qui touchent forcément tout le monde. Alors après, j'attendais un petit peu quand est-ce que mon Macron allait tomber, donc il vient de tomber, ça s'est fait. Mais pour moi, je sais pas, j'ai toujours pas tranché cette question de coutume, tradition, mais voilà, je sais pas. Tu voulais dire quelque chose ? Non, pas forcément. Mais n'hésitez pas, la parole elle est libre, on est sur l'atelier du POC, ok. Pour terminer, mais ce qui me semblait, je sais pas, là je voyais justement, c'est que la date, ça me faisait penser à quelque chose qui passe. Et tu dis, en fait, il y a un truc que nous, on a complètement oublié, c'est en fait créer le moment, en fait. Il n'y a rien de plus riche qu'un moment, et ça peut être une interaction entre des gens, ça peut être sortir de chez soi, aller marcher, n'importe quoi, mais on n'arrive plus à créer le moment et à apprendre de ce moment-là. Et finalement, ce qui me fait flipper aussi, c'est que tu regardes, et on a l'impression qu'on est dans des rails dès le début, dont on sera incapable d'en sortir, d'apprendre par le moment. Tout le monde fait des coupes, tous les travaux, X, Y, on a des oreillettes, des machins et tout, et au final, on ne sait plus rien faire, on ne sait faire qu'un truc. Et en plus de ça, on a limite peur de vivre, en fait, au final. On a peur d'aller en dehors de notre tirail tranquille, et en fait, on n'apprend plus rien, fondamentalement. Attends. Ok. Merci. Oui. Par contre, aujourd'hui, on est en version film très très court, donc il faut venir vers moi. Non, ça va être très simple. Je vois droits locaux régionaux. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de l'Assemblée régionale Corse qui réserve les emplois de la Corse aux Corses ? Ils veulent faire quoi, nos amis des Corses ? Pour les Corses, les emplois Corses. Ils peuvent aller faire. D'accord, j'en sais rien. J'ai pas spécialement d'avis là-dessus. Là ils vont élire de nouveaux représentants, je crois, non ? Ah, ok, alors je connais pas du tout le système politique corse. Après ça me paraît un petit peu compliqué. Mais ceci dit, la Corse est un pays où il y a beaucoup de coutumes, il y a beaucoup de traditions. Ah ça j'en sais. Écoute, c'est à toi de répondre à cette question, en fait. Pour ma part, non, on peut pas faire n'importe quoi au niveau des droits locaux. Ok, merci. La Corse est un exemple bien particulier de où peut-être les traditions sont encore très ancrées. Mais je sens qu'on va. On va en apprendre plus sur la Corse. Je suis pas Corse, je suis Lorrain. Et en Lorrain, les règles marchent toujours. C'est-à-dire c'est une région, comment dire, autonome. C'est un endroit où maintenant je ne sais pas parce qu'il y a longtemps que je suis parti. Mais c'est un endroit justement où les règles fonctionnent d'une manière automatique. Hein. Jusqu'à moi, il n'y a pas longtemps. Et c'est ça fonctionne que si c'est inconscient. Donc à partir du moment où tout le monde est plus ou moins conscient que dans la tradition il y avait des règles et tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil, Alors maintenant, il y a le, ce qu'on appelle le repli identitaire, ou c'est le Front National, comme, comme en Corse, c'est le même principe, c'est-à-dire le retour au passé, le retour à la tradition, aux coutumes, etc. Mais c'est pas possible, parce que ça n'existe plus. À partir du moment où, comme je disais, si c'est écrit, si c'est dans les livres, on n'a pas la télé, l'identité française, qu'est-ce que c'est l'identité française, et nanani, et nanana, il n'y a plus d'identité ni française, ni allemande, ni quoi que ce soit. C'est simplement dans quelle catégorie, suivant la quantité d'argent que tu es dans telle catégorie sociale. C'est ça ton identité. Ce que tu peux consommer, ce que tu as les moyens de consommer, ça c'est ton identité, que ça te plaise ou pas. Le reste, c'est n'importe quoi. Excuse-moi Pierre. Ok. Du coup, dans la société idéale, de toute manière, ce repli identitaire, on va l'éviter quand même. Je pense qu'il faudrait l'éviter. Mais pour l'éviter, en fait, comment on fait, à part moi, à part s'ouvrir, et justement ouvrir toutes ces frontières. Voilà. Alors, par contre, Pierre, il faut que tu te rapproches. On a un fil très très court aujourd'hui, on a un souci technique de Pierre. Et où sont les fils longs? Ils sont cassés, les autres fils. Ah oui, d'accord. Oui, alors, il n'y a pas longtemps que je suis arrivé, mais depuis 20 minutes, si j'écoute le tableau qui est décrit par les intervenants, c'est non seulement à pleurer, mais c'est quand même plus grave que ça. Et donc, il y a une question que je me pose, c'est comment Nuit Debout existe dans le décor que vous décrivez, c'est-à-dire comment se fait-il que nous existions dans cette catastrophe permanente. Écoute, c'est pas grave, on est du peuple, donc en fait on se prend pas la tête avec ça, on fait. On fait sans forcément... Et tu as plein d'exemples que, pour te montrer que tu peux faire à côté, soit en autogestion, certains diront, et certes on est un peu en mode autogestion, mine de rien, même si on n'est pas beaucoup, mais on s'autogère, nous, tous ces personnes sur la place. Et voilà, et finalement on trouve notre place, on l'a demandé à personne, on je sais même pas si on veut dire qu'on se l'est gagné ou pas, parce que ça serait peut-être un petit peu prétentieux de le dire, mais en tout cas dans la société idéale, peut-être que c'est vers des choses comme ça qu'il faudrait aller, effectivement, des choses plutôt autogérées, et on le disait tout à l'heure, avec des regroupements de citoyens qui sont entre guillemets... après c'est plus facile d'être d'accord sur des choses qui nous touchent tous. Avant, effectivement, il y avait des choses en agriculture, etc., etc., ou dans différents métiers, mais c'est que forcément tout le monde pratiquait la même chose, et quelque part avait cette connaissance de ce métier. Et là, on le perd au fur et à mesure, à travers cette individualisation qu'on construit. Mais alors après, est-ce qu'il faut fonctionner par métier, parce que ça fait faire un petit peu peur. Moi, ça me fait penser aussi un peu au caste, et je suis pas non plus très fan de ça. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, si tu nais fils d'un stit, tu n'es pas forcément obligé d'être un stit ou prof, et c'est ça qui est intéressant. Mais et alors qu'avant, effectivement, c'était plutôt une espèce de tradition. Et tu n'avais pas forcément le choix parce que c'était la tradition qui était comme ça. Donc après, je ne sais pas. Voilà. Moi, je n'ai pas d'avis sur Nuit Debout. Voilà. Alors maintenant que notre super intello est arrivé, je vais pouvoir faire des citations littéraires. Avant, je ne sais pas. Il y a un truc dans l'identité française qui m'a toujours plu, qui me plairait encore. Je crois que c'était Voltaire, alors qui disait, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je suis prêt à défendre votre liberté d'expression jusqu'à la mort pour que vous puissiez dire ce que vous avez à dire. Non, ça existe ça. C'est moi qui invente. Alors ça c'est un truc pour moi, ça faisait partie de l'identité française, de défendre la liberté d'expression, et à l'époque il y avait beaucoup justement de liberté d'expression qui a complètement disparu, enfin avec l'époque, hein. Et justement je crois que c'est, ben, contrairement à ce que j'entends tous les jours, ce que je vois à la télé, où on continue à nous dire que la mondialisation, on ne peut rien contre, c'est comme ça, c'est le progrès, il faut s'y soumettre, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Et tous ceux qui sont comme le Front National, qui ont leurs idées, je ne dis pas que je suis d'accord, mais qui ont le droit de les exprimer comme n'importe qui d'autre, au contraire, on continue à dire non, c'est le Front National, c'est la merde, c'est des cons, c'est des imbéciles. Il y a, si je me rappelle bien, il y a 40 millions de Français qui ont voté pour le Front National. Un truc comme ça, non? Je suis pas sûr. Mais... Non, pas 40. C'est un peu trop, là. 40%, ça doit être. 40%, enfin, bref. Il y en a trop. 40%, oui. Mais quand même, ça fait des millions de Français. Et dire continuellement, répéter... Ces Français-là, c'est des cons, c'est des imbéciles, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas qu'il y a la mondialisation qu'il y a et qui va faire le bonheur de tout le monde, que tout le monde va être beau, va être gentil, va être intelligent. Et eux, c'est des cons, ils ne comprennent rien. Pour moi, c'est pas français, ça. Ça fait pas partie de la tradition française, justement, de liberté d'expression. Et c'est au contraire le seul endroit que je connaisse où ça existe, c'est à Éduquepop. On peut vraiment dire, on peut même faire l'éloge du Front National, et il n'y a personne qui va vous empêcher de le faire. Et ça me plaît beaucoup, parce que comme ça, moi, même moi, je peux parler, et je peux dire n'importe quoi. Ouais, alors, petit point là-dessus, effectivement, je pense qu'on a un peu tous le droit de dire tout ce qu'on veut ici. Par contre, on a le droit d'être contre aussi ce que les gens disent. Cela dit en passant. Voilà, et donc sinon c'était 36%, je crois, le nombre de votes pour le Front National. Bon, quand même, à préciser que c'était dans le cadre du deuxième tour avec seulement deux candidats, et l'autre candidat c'était Macron. Un petit peu. Alors, on sort du débat. Ouais, on sort un petit peu du débat. Non, mais je voulais juste quand même repréciser. Et effectivement, pour ceux qui sont arrivés, le débat c'est droits locaux et régionaux, hein, quand même. On s'est un petit peu écarté avec pas mal de ce point-là. D'ailleurs, juste en passant, le concept de droit local et droit régional, c'est des choses qui existent déjà. Je prends par exemple les États-Unis, c'est un État fédéral, mais aux États-Unis, par exemple, on a des couches de droits qui vont de l'État fédéral jusqu'à la petite commune qui peut mettre en place ça s'appelle un droit, mais une règle bien précise à leur commune, à leur tout petit territoire qui va faire 2 km sur 3 km, etc. Qui va interdire ou autoriser telle ou telle chose. Et après, je crois que c'est toi qui parlais de mondialisation. La mondialisation, c'est un peu pour faire pareil partout, tout le temps. Le droit, quel qu'il soit, peut être, on va dire, bien ou pas bien, autorisé ou interdire. La question, quand tu mets en place par exemple une loi, on va parler de la loi de travail par exemple, quand tu mets en place une loi, la question c'est pourquoi est-ce que tu la mets en place, et surtout quelle idéologie ou quel courant, ou qu'est-ce que tu suis en mettant ça en place. La loi de travail, par exemple, a priori, en tout cas c'est mon avis, suit un petit peu une volonté du patronat, du grand patronat français et du grand patronat européen. International. Voilà, ouais, bah écoute, comme ça c'est dit, hein, c'est fait. À la base on était là pour ça, donc voilà. Mais du coup tu peux mettre aussi en place des droits, des choses, en tout cas au niveau local, au niveau régional, qui vont pas forcément aller dans le bon sens. Je pense par exemple au maire de Nantes qui avait posé un arrêté anti-manifestation vis-à-vis de Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi ? Là, l'idée, c'est vraiment de couper l'herbe sous le pied des manifestants qui se battent contre un aéroport qui, là aussi, suit un courant relativement nordique. Donc on peut faire plein de choses, mais la question à se poser, c'est peut-être aussi, est-ce que si on met quelque chose en place à un niveau local, régional, c'est pour suivre, on va dire, l'intérêt commun de tous, ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a un mec qui a reçu des ordres et qui veut mettre un truc en place qui ne va pas forcément être intérêt de tous. Voilà. Je sais pas si j'ai recentré le débat en fait du coup. Un peu, mais tu nous as reperdu, mais... Non, c'est... Oui, tu es reparti effectivement sur les débats du jour. Après, moi, la question que je me pose, là, comme ça, avant de passer la parole, c'est est-ce qu'il faut plein de petits droits locaux et plein de petits droits régionaux, quitte à ce que ce soit la cohue la plus totale et l'incompréhension la plus totale, ou est-ce qu'il faut un truc un peu plus genre the droit, quoi. Genre, on retaille un truc sur une pierre, quoi. J'en sais rien. Alors, un mot pour préciser, parce que je savais bien qu'il y aurait des réactions, rien qu'à prononcer le mot du Front National, la honte, la haine, hein. Mais ça, c'est pour moi, ça fait partie du bourrage de crâne, justement, de la mondialisation, où t'as pas le droit d'être contre la mondialisation, c'est interdit. C'est complètement... Tu peux pas en parler, tu peux même pas le penser. Et la mondialisation, c'est ce qu'on nous dit depuis le début, c'est l'absence de règles. Il n'y a plus de règles. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, on est libre. Et ça veut dire, pour moi, il n'y a qu'une règle, c'est la loi du plus fort. Et c'est ce qui est en train de se passer, justement, c'est le patron, c'est le ministre, c'est les CRS, etc. C'est ce qui est en train de se mettre en place, et de plus en plus... d'une manière peut-être plus subtile avec Macron et compagnie, mais c'est toujours, il n'y a plus de règles que la loi du plus fort. Maintenant, il n'y a que ça qui compte. Et je comprends, moi je comprends très bien qu'il y a des gens qui disent non, nous on veut des règles, nous on est faible, on est pauvre, on n'est pas forcément instruit, et s'il n'y a pas de règles, on va se faire bouffer complètement. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je voulais signaler quelque chose d'important. Il me semble la première des choses pour se comprendre, c'est d'abord le langage. Je vais permettre de vous rappeler que dans certains coins de la France, les gens ne parlent l'occitan, parlent le basque, parlent le breton. Alors, je faisais ça justement, le catalan, voilà. On peut avoir des droits coutumiers, mais il faut une langue pour essayer de se comprendre. En 1550, c'est le français qui a été indiqué comme langue courante. Pourquoi pas le français, ça nous arrangerait nous, mais après je crois qu'il y a déjà... Il y a déjà l'anglais qui est là. Les langues, pour moi c'est une richesse, hein, toutes ces langues-là, et de toute manière il faut absolument pas les perdre, mais après ça n'empêche pas de... En Espagne, ça n'empêche pas qu'ils parlent castillan, ils parlent anglais un petit peu, allemand j'ai pas vu, mais... Et en France, c'est quelque part, c'est quelque chose qui est important, je pense, et qui rassure un peu à la fois les gens, et quand tout à l'heure on dit... Tu disais là sur le fait d'avoir des règles, etc. Alors après, je sais pas si faut que ça soit normé tel quel, mais justement peut-être que finalement les coutumes étaient, les traditions étaient une forme de règles quelque part. Et quoi, et je pense qu'on complètement et oui, alors j'allais faire une vieille blague avec le dérèglement climatique, mais bon, il y a pas que le climat qui est déréglé. Pour moi, ça traduit un manque de confiance en soi et un manque de... Comme on disait tout à l'heure, quand je disais en rigolant qu'il y a de plus en plus de trucs sur les coachings, etc. Et il faut se réapproprier cette confiance, il faut se réapproprier ces savoirs. Et ça, à part le fait de communiquer, aller voir ces gens-là, et encore une fois, moi je suis d'accord hein, pour dire ça sert à rien d'insulter un mec qui veut être Front National, c'est comme si tu vas dire à un mec bah, pourquoi tu fais pas grève, t'es pas un con, et c'est pas comme ça que le mec fera grève ou sera dans la rue. C'est en essayant d'expliquer un petit peu les choses. Et après, bon, là on en revient à des choses qu'on a souvent dit ici, sur le partage des savoirs, sur l'éducation, sur apprendre à se connaître les uns avec les autres. Et tout à l'heure, on vient de parler des langues, là, il y a quelques instants, mais finalement, les langues, c'est peut-être d'une façon différente de communiquer, mais ça veut souvent dire la même chose. Enfin, les mots sont les mêmes, la définition est la même. Après, il y a des expressions en béarnais, en catalan, en breton qu'on retrouve. Et en fait, finalement, on a l'impression que c'est plutôt du régionalisme, mais en fait, finalement, moi, je trouve que ça rapproche les gens. Et c'est ça qui est, en tout cas, qui est intéressant. Mais, par contre, dans la société idéale, il faut renforcer cette espèce de rapprochement et cette espèce de richesse. Et il faut en faire quelque chose qui permette à tout le monde de relever un petit peu la tête et sortir de cette... De se replier sur soi-même, de faire voter quelqu'un en jadis Front National pour tout un tas de raisons qui peuvent s'entendre et d'autres un petit peu moins. Juste une question, est-ce qu'il y a une articulation possible entre les traditions locales, un droit coutumier et l'idée universaliste unité des Lumières et de la Révolution française, enfin, est-ce que ça a un sens de poser cette question, de travailler dans ce sens-là ou pas? Merci. Bon, je voulais rebondir à sa question. En fait, par rapport aux langues locales, ou qu'on appelle les langues vernaculaires, je prends l'exemple du Cameroun. Le Cameroun a 250 langues vernaculaires. Bon, bien sûr, ces langues qui se communiquent aussi, hein. Mais il se trouve que les deux langues officielles, donc réglementées, c'est le français et l'anglais. Ça, c'est ce que je voulais donc apporter comme précision. Merci. Donc moi, je suis architecte du vernaculaire. Je travaille beaucoup avec les matériaux locaux, la terre, la paille, le bois. Mais les Africains, ce n'est pas leur problématique. Merci. Ben, merci. Du coup, je ne sais pas si quelqu'un que voulait répondre à la question ou ça vous inspire quelque chose à quelqu'un hein, sur leur, on va dire l'universalisme, c'est ça, et finalement la coutume. Il me semble que la Révolution française a voulu réduire les droits coutumiers et faire un droit un peu plus général. Je ne suis pas si calé sur la Révolution française. Moi, je sais juste qu'ils ont coupé des têtes, mais c'est tout. Mais après, je ne sais pas. Encore une fois, la parole est ouverte. Tout le monde peut participer. Moi, je ne suis pas prof. Hein. Je n'ai pas la science infuse. Et si quelqu'un veut nous parler de la Révolution française et des droits coutumiers, c'est avec plaisir. À l'école, je n'étais pas très assidu à ce niveau-là. Ok, ah bon ben voilà, Didier tu me sauves. Ah ben faut pas dire de prénom, j'avais oublié. Alors, c'est pas une réponse, mais à mon avis c'est les coutumes vernaculaires, comme il dit le monsieur, elles sont universelles en fait. Hein, parce que ça concernait le rapport des gens déjà avec le climat du lieu, avec les saisons, avec le travail. Et les rapports humains. Et dans tous les pays du monde, il y a un homme, une femme, se marient, ont des enfants et ont besoin de travailler pour vivre. C'était ça les règles. Et ça existe partout. Seulement que c'est vrai qu'on dans une fête, on ne danse pas en Bretagne comme on danse en Catalogne, comme on danse en Lorraine. Mais tout le monde danse, ça c'est sûr. Tout le monde se marie, tout le monde fait des enfants et tout le monde travaille. Enfin, presque. À part, tout le monde voudrait travailler. Justement, il y avait du travail pour tout le monde. C'était... parce que c'était indispensable à la communauté. Et maintenant, comme je disais, il n'y a plus de règles. Maintenant, on peut aller voir comme touriste, on peut aller voir les danses celtiques en Bretagne, mais on ne comprend rien. Pourquoi ils dansent ça? Pourquoi c'est ce pas-là plutôt qu'un autre? Pourquoi en Catalogne c'est autrement? Ça a un sens, c'est pas fait n'importe comment. Parce que le climat est différent, parce que les gens sont différents. Et même, tu parlais du langage, si simplement tu penses au mot la mer, M-E-R, ça, c'est sûr que tu peux traduire en catalan ou en breton. Ça n'a pas du tout le même sens en Catalogne ou en Bretagne ou en Lorraine. Pour les gens, ça évoque des choses complètement différentes, des émotions, des sentiments. Mais si on l'apprend à l'école, ça ne veut rien dire. C'est parce que justement, c'est pas local. À partir du moment où les règles deviennent universelles, elles perdent le il n'y a plus de sens. Ça devient n'importe quoi. Et après, on s'étonne qu'on ne se comprend pas. En ce moment, il y a beaucoup de travail en France. Il y a beaucoup. Je suis un chef d'état en France, moi-même. J'ai 100 personnes qui travaillent avec moi. Je suis chef d'équipe. Chef d'équipe. J'ai un quotidien. Je suis d'origine de Turquie, à la campagne. J'ai 44 ans. Ça fait 6 ans que j'ai commencé à travailler à la campagne. L'âge. Je ne sais pas lire en Turquie, je ne sais pas lire français, je ne sais pas lire. Mais je comprends le travail. Je travaille avec mon grand-mère, je suis travaillé avec mon grand-père, je suis travaillé avec ma mère. Je suis dans le jardinier, le cheval, les animaux, je viens au quotidien. Et puis je viens en France en 1988. Je suis venu. Je ne sais pas lire français. Je ne sais pas parler. Après, j'ai resté dans 7 ans, 10 ans, je ne suis pas travaillé. Employeur, je partage à ce social. Je partage un peu. Je demande à madame, s'il vous plaît, est-ce que vous me donnez un travail n'importe quel travail, s'il vous plaît. Non, monsieur, vous êtes handicapé, 80%, on ne vous fait pas embaucher. Madame, s'il vous plaît, j'ai pleuré. J'ai été miskine, j'ai 3 enfants, avec une femme. Et puis, je suis à la mer. Et qu'est-ce que je fais? Je travaille. Il faut tout travailler. Il y a un argent, ça vient. N'écoutez pas, il y en a l'argent. Il faut travailler d'abord. Il n'y a pas une question qu'il n'y en a pas de travail. Tous y en a travail, tout le monde y en a travail. Il ne faut pas être jaloux de travail. Si quelqu'un travaille, le plus grand, le petit, respecter le petit, respecter le plus grand, respecter la famille, tout le monde. Mais par contre, la famille, il reste à la maison. Le travail, c'est travail. Il y a un argent. Par contre, beaucoup, beaucoup plus en France, il y en a. Tu m'en fous, je travaille 10 ans au bâtiment. J'ai gagné l'argent, j'ai gagné mon copain, j'ai gagné les amis. Il y en a beaucoup. J'ai fait manœuvre, j'ai fait chef d'équipe, j'ai patron. Il y en a que plein de patrons, ils ont de merci. Plein de policiers, ils m'ont venu, j'espère travail, j'ai fâché. Je gueule, j'espère travail. Je parlais, j'ai tout le monde avec madame, s'il vous plaît, il y a un travail. Tout, il y a plein de travail en France, il y en a plein. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas de travail. Et vous pensez le travail. Il y en a un travail, il y en a un travail. Nous avons fait l'argent, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a l'argent, bon, ça vient l'argent. Je ne pas dire qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas l'argent, il n'y en a pas une vie. Il y en a, toujours il y en a une vie, il y en a un travail. Merci beaucoup, à la bonne journée. Il y en a un travail. Merci pour ton témoignage, merci. Pas de soucis. Du coup, donc on était sur les droits locaux, régionaux. Du coup, ouais, c'est par rapport à la question qui avait été posée. Enfin, moi, ce que j'ai entendu, effectivement, si on faisait un espèce de chose universelle, ça justement saturait un petit peu le reste au niveau local. Après, par contre, je sais pas comment dans le locaux ou régionaux, je sais pas comment définir. Est-ce qu'on définit ça en termes de ce qu'on connaît aujourd'hui avec les régions qu'on connaît aujourd'hui ou est-ce qu'on finalement on déstructure tout ça? Parce que si vous prenez l'Île-de-France, effectivement, c'est quand même un gâteau qui a été coupé en quelques morceaux et après il y a des régions dont on a parlé, que ce soit voilà, à l'est, au sud, qui sont déjà bien ancrés, des territoires qui sont bien ancrés, mais par des barrières, entre guillemets, des frontières géographiques, type montagne, fleuve, etc. Enfin, je sais pas si où il faut que ça s'arrête exactement. Et dans ces régions où il y a peut-être moins ces coutumes ancrées, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette identité? Pendant un moment, en région parisienne, c'était 9-3, 9-5, 9-4, et on mettait des points entre les chiffres. Certains disaient même 9 cubes. Mais pour moi, c'était un semblant de se chercher une identité, finalement, qu'on ne trouvait pas. Et qui est très compliqué, parce qu'en fait, il y a une multitude de cultures dans ces territoires-là. Et je sais pas trop, je suis encore en train de m'égarer, mais peu importe. Bonjour, excusez-moi, par rapport à ce que j'avais entendu parler, par rapport à la mondialisation, la loi des plus forts, moi je suis d'accord avec ça, ça c'est vrai, c'est que nous vivons aujourd'hui. Mais si on regarde un peu l'histoire, on peut se rendre compte que le monde depuis toujours a été comme ça. Quand l'Empire assyrien a dominé les Assyriens, ils ont dominé le monde, ils ont fait la même chose, l'Empire. Après venu là-bas les Médo-Perses. Les Médo-Perses, ils sont venus la Babylone, les Médo-Perses, après ils sont venus l'Empire grec avec Alexandre le Grand, son royaume s'est coupé en quatre et a continué à faire. Après venu l'Empire romain aussi, pareil, les Romains, quand ils ont détruit Jérusalem, le temple de Jérusalem, ils ont obligé, ils vivent avec une certaine quantité de kilos d'or et d'argent. Et les Juifs, ils n'ont pas voulu. Et alors, ils se sont révoltés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains? Ils sont venus, ils ont complètement rasé ça. C'est toujours comme ça. Puis, est venu l'Empire Ottoman. Et puis, est venu l'Occident avec la colonisation. Et aujourd'hui, les États-Unis, l'Europe, et demain, aujourd'hui, la Chine est en train de faire la mer de Chine, ils ont trouvé du pétrole, en train de s'enfoncer par la force. Ça, c'est toujours été comme ça. Malheureusement, je pense que c'est dans la nature humaine. En fait. Je suis d'accord, il faut réclamer, il faut essayer. Mais on ne peut pas combattre, ça c'est dans la nature humaine, malheureusement c'est comme ça. Il faut réclamer, il faut essayer, mais on ne peut pas combattre, parce que ça fait partie de la... Je parle comme ça parce que je suis chrétien. Il y a une solution à ce problème-là, mais il n'est pas humain. N'hésitez pas à prendre le micro. Je passe juste le micro à Yann quelques instants qui fera tourner parce que je vais le dire. Bonjour. C'est très simple. J'avoue que j'ai quelques difficultés à apprécier les nouveaux départs, les nouvelles régions. Hauts-de-France, pour moi, ça ne veut rien dire. Grand Est, pour moi, ça ne veut rien dire. Je préfère Grand Est, Alsace-Lorraine. Hauts-de-France, je préfère Picardie et autres. Ça me fait penser à un truc pour revenir au Front National. Je ne sais pas exactement, parce que c'est pas un truc que je suis avec beaucoup d'attention. Mais si je me rappelle bien, Macron a gagné en Bretagne, disons à l'intérieur de la France, et toutes les régions frontalières, en commençant par la Lorraine jusque. Le Rhône, par là, le Rhin, le Rhône, la Provence, jusqu'à la Catalogne, c'est le Front National qui a gagné. Et comme par hasard, toutes les régions qui sont frontalières d'un autre pays. Simplement, on peut réfléchir là-dessus. Oui, donc du coup, là, tu dirais que en fonction de la position géographique par rapport à un autre pays, les réflexions, les besoins sont différents. En tout cas, sur le point de l'élection, ils étaient différents en fonction du coup de leur placement géographique, donc d'un placement local. Oui. Alors, Thomas. Il y a un démographe qui s'appelle Hervé Lebras qui a travaillé là-dessus, je crois, et il montrait que justement les régions, régions côtières, maritimes, océaniques sont plus résistantes à la montée du Front National, justement parce que, enfin, je ne dis pas que c'était pour cette question-là, mais parce que elle serait ouverte sur le monde, le fait qu'il y a des zones de commerce, d'ouverture culturelle, etc. Mais les rend plus, plus résistantes à la peste brune, parce qu'il faut bien donner des choses comme ça. Et voilà, ben c'est une question intéressante, le rapport entre idéologie et géographie, et c'est bien à discuter. Très bien, du coup, une réaction par rapport à ça, peut-être, quelqu'un? Vas-y, t'en prie. Ben le fait à lui-même, disons, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Maintenant, l'explication, c'est comment dire, c'est plus compliqué que ça a l'air, parce que d'un côté, on peut se dire, c'est vrai, les pays maritimes sont plus ouverts sur le monde, sur les échanges, etc. Mais d'un autre côté, enfin, les Bretons ont la réputation d'être la région la plus fermée de France, les plus têtus, etc., à part les Lorrains, même, je ne sais pas. Mais d'un autre côté, il y a dans toutes les régions frontalières, je veux dire la frontière, c'est très théorique, parce que tous les gens passent, les gens qui habitent pas loin de la frontière, ils passent d'un côté de l'autre tranquillement. Très souvent, c'est les mêmes peuples, ils se comprennent très bien. Ils parlent, en Lorraine, on parle, tout le monde parle allemand, et en Allemagne, tout le monde parle français. C'est normal, c'est ce qu'on entend en fait. Même moi, je suis né en Lorraine, on m'a obligé à apprendre l'allemand si je voulais apprendre l'anglais. Non, ici, c'est en Lorraine, tu apprends l'allemand, point. Et c'est pareil dans tous les pays de frontières, je veux dire, en Catalogne, que ce soit française ou espagnole, il y a moins de différence entre un catalan français et un espagnol qu'entre un français, un breton et un catalan. C'est ça que je veux dire. C'est pas si simple que ça. Mais quand même, il y a un réflexe, quand il y a, enfin, à mon avis, dans tout ce qu'on met derrière la mondialisation, la libéralisation, la dérégulation, comme on en parle, enfin, pour moi, c'est pas une chose bonne ou mauvaise en soi. Mais comme on en parle, ça fait peur. Et on en parle exprès pour faire peur. Et il y a ceux qui se soumettent, qui disent bon ben on n'y peut rien, c'est comme ça, donc on vote comme il faut, et puis il y a ceux qui ont encore plus peur et qui sont contre. Mais ça empêche de réfléchir, pour moi c'est ça le problème. Que ce soit Front National ou Macron ou de l'autre, quand on leur pose des questions, enfin j'ai vu certaines interviews, mais pourquoi vous votez Front National ou pourquoi vous votez Macron, je ne sais pas. Parce que comme ça, voilà. Pour moi, c'est ça qui est grave. C'est pas le Front National. Alors du coup, moi j'étais en train de réfléchir, je me dis finalement, enfin entre ce que disait Thomas, donc via ce sociologue, c'est qu'effectivement, on peut peut-être dire, en tout cas c'est mon ressentiment, qu'en fonction des régions, en fonction d'un placement géographique, on va dire social, psychologique, ethnologique peut-être, on va avoir différentes envies, différents besoins en termes de, en tant que groupe, en tant que commune, en tant que région, etc. Donc ils vont pousser peut-être à certaines réponses. Alors, comme tu disais, certains vont aller voter Front National pour peut-être qu'ils y trouvent des réponses ou des solutions à certains problèmes qu'ils ont, mais du coup qu'ils ont à leur propre niveau. Du coup, je vais rebondir sur le thème d'aujourd'hui qui est donc le peut-on imaginer un droit locaux, régionaux, sur le même principe que donc, les droits coutumiers. Peut-être que du coup ce serait intéressant d'avoir vraiment un fonctionnement au niveau local, voire ultra-local. Comme je disais tout à l'heure, on a déjà de toute façon ces principes de couches qu'on a avec le droit national. Et puis les possibilités de mettre en place des arrêtés préfectoraux, des arrêtés au niveau des communes, au niveau des régions. Mais du coup, coup, est-ce que ce serait peut-être intéressant de continuer à creuser, mettre en place des choses. Alors on parle de droit, mais ça peut être autre chose, mais au point de vue local, qui permettent de répondre à certaines nécessités, à certains envies, à certains besoins, mais toujours de l'ensemble de la communauté, donc du coup à ce niveau local. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut continuer là-dessus. Bah, toujours pareil, hein, les droits locaux. Là, on parlait ethnologie, sociologie et géographie, du coup, oui, au niveau local. Pour répondre à propos toujours des règles, moi j'ai toujours beaucoup de doutes sur les règles, hein, parce que faire des règles locales, par exemple, je parle de la Lorraine parce que c'est ce que je connais. Il y a 30 ans, jusqu'à il y a 30 ans, il y avait les mines, il y avait la sidérurgie, etc., où il y avait beaucoup de monde qui habitait en Lorraine et que tout le monde avait du boulot. Et en très peu d'années, comme on dit là-bas, tout a fermé. On peut encore aller voir les cadavres des usines. Hein. Et la moitié des Lorrains sont partis ailleurs, dans les autres régions. Donc il n'y a plus d'unité, disons, locale, ethnique, on va dire. La plupart ont été dans le sud, parce qu'à l'époque, il y avait du boulot dans le sud. Et autre chose, c'est que je connais aussi un peu l'Italie. Et en ce moment, il va y avoir des élections. Et tous les partis ont décidé de changer les règles pour les élections. Alors ça fait, je crois que c'est la troisième ou quatrième fois qu'ils repoussent la date des élections parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les règles. Et moi ça me paraissait évident parce que quand on a fait les règles, on sait qui va gagner. Donc l'histoire des règles, pour moi c'est n'importe quoi. Voilà. Puisque tu parles de l'Italie, je crois qu'il faut dire un petit mot sur la Ligue du Nord. La Ligue du Nord qui fait en sorte de, comment dire, des méchancetés sur les gens du Sud. Oui, c'est vrai, mais ça c'était bien avant la Ligue du Nord. Ça a toujours été la lutte entre le Nord et le Sud, mais ça aussi c'est complètement artificiel. Parce que il y a des... soi-disant le Sud est une région déprimée, donc on taxe beaucoup le Nord pour envoyer de l'argent au Sud. Seulement que l'argent part du Nord, mais elle n'arrive pas au Sud. Alors les gens ne sont pas contents, ni au Nord, ni au Sud. Vous parlez du Nord et du Sud de l'Italie, c'est ça? Oui. Ah d'accord, ok, je ne comprends plus rien. Ok. D'accord. Non, bah écoutez, moi ce que je suis toujours dans mes petites interrogations par rapport à tout ça. Je sais pas si ouais, des règles. Je sais pas s'il en faut ou pas. Après, à partir du moment où on est dans une société entre guillemets idéale et où on part du principe où on n'a plus peur les uns des autres et on se parle et on apprend à se connaître et il n'y a pas toutes ces frustrations qu'on peut connaître actuellement. Finalement après c'est plus dans le ça va de soi et dans vraiment quelque chose d'une règle entre guillemets écrite. Mais en fait ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on est. Si effectivement nous on a un état d'esprit de marcher les uns sur les autres et la loi du plus fort et un peu la jungle urbaine, oui là c'est effectivement ça va devenir n'importe quoi et donc par presque obligation il y a des règles et c'est ce qu'on essaye de nous faire vendre et on est dans un état d'urgence depuis trop longtemps malheureusement en France et c'est même je sais pas quand il va s'arrêter d'ailleurs cet état d'urgence mais à mon avis on le sera pendant encore très très longtemps comme quand il y a des jeunes qui nous disent moi je n'ai que connu la crise en France. Et en fait, finalement, la crise, pour moi, c'est la vraie vie. Et peut-être que l'état d'urgence va devenir un petit peu comme ce mot crise qu'on emploie à tort et à travers, un petit peu partout. moi aujourd'hui, oui, de toute manière, je pense que ces notions de région, il faut complètement les déstructurer, ça c'est clair. Après, il faut refaire un maillage plus juste. J'avais pris une fois ici l'exemple de l'Afrique où vous voyez le pays et vous avez des frontières en angle droit. Moi, ça me fait toujours un petit peu, bondir. Et en fait, je pense que naturellement, elles vont se redéfinir, mais par les êtres humains en fait, qui sont sur ces territoires. Et je pense qu'on peut avoir une répartition qui est beaucoup plus juste et qui éviterait notamment des guerres et des choses complètement débiles. Alors après, il y a toutes les notions de l'eau, par exemple, qui pose énormément de problèmes actuellement, où il y a beaucoup de conflits. Derrière, c'est pour de l'eau. Les conflits israélo-palestiniens, enfin même la problématique de l'indépendance catalane. Aujourd'hui, ce qui fait un énorme franc, c'est l'eau, puisque dans la région de Barcelone et aux alentours, économiquement, ils peuvent se débrouiller tout seuls, mais par contre, au niveau de l'eau, si le gouvernement de Madrid dit on vous coupe l'eau, ils sont dans la merde. Donc c'est pour ça que c'est notamment ça piétine. Et donc il faut faire quand même avec ces particularités-là. Mais c'est pour ça que. Pour moi, les droits, en fait, il en faut, mais dans certaines régions, notamment celles où il y a moins de richesses, il faut faire attention, quoi. Et on peut pas créer des droits comme ça les uns après les autres, et en pensant qu'à soi, il faut aussi penser à celui qui est à côté, et celui qui n'a pas forcément les richesses. Alors après, s'il y a des richesses à partager, ça peut être une espèce de forme de troc. Et si on n'a pas, c'est plus compliqué, il ne faut pas laisser... des gens, entre guillemets, mourir ou complètement dans l'oubli. Donc voilà, en tout cas, sur cette notion de territoire, moi je suis un petit peu partagé. Ça dépend vraiment de la richesse du territoire pour moi. Justement, je voulais citer l'exemple de la Suisse, qui est divisée en cantons. Est-ce que c'est une bonne idée, finalement? T'as une réponse à ça? Quelqu'un a un avis sur cette question-là? Parce que moi, personnellement, j'en sais rien. Non. Est-ce que c'est une bonne chose que la Suisse soit divisée en cantons? Vas-y, si t'as une réponse. Par là, la Suisse a l'air d'avoir résolu le problème. Il y a un droit local, un droit national et un droit international. Ben justement, c'est peut-être ça, mais est-ce que tu penses que ce que fait la Suisse sur un territoire qui est... c'est pas non plus tout petit la Suisse, mais est-ce que c'est possible de le faire partir, ça? Tu me dis qu'on peut le faire partir? D'accord, non mais ok, très bien. Très bien, pourquoi pas? Moi je sais pas, encore une fois, de l'éducation populaire, moi je suis pas prof, hein. c'est ouvert à tous. Si ça peut être la solution et de faire ça partout... Alors après, la question, elle est simple, hein, mais la question qui a vécu, c'est pourquoi on ne le fait pas déjà? Et ça, c'est une question très bateau. Après, je ne sais pas si tu as une réponse à partout ou pas, mais si ça marche, et d'ailleurs, dernièrement, la Suisse, je crois que c'est la Suisse hein, qui a dit qu'il sortait du nucléaire, c'est ça, si je dis pas de conneries. En France, s'il y a des gens qui disent, il y en a qui le disent déjà depuis un certain temps, on sort du nucléaire, par exemple, ça ne va pas avoir les mêmes réactions. On le sait tous pourquoi. Tous pourquoi. Oui, effectivement, il y a le pognon, il y a EDF, il y a des grands groupes qui, mine de rien, emploient un certain nombre de personnes aussi. Et donc, du coup, c'est un espèce de chantage, même si aujourd'hui, ils essaient de nous faire croire que c'est des écolos convertis et qu'avec eux, la planète ira mieux. Mais pas du tout. Et c'est là où, effectivement, peut-être dans la société idéale où on n'aura pas ce monopole, des gens comme EDF ou d'autres hein, qui veulent absolument maintenir des centrales nucléaires, peut-être qu'on pourra fonctionner comme la Suisse, ça peut être une solution, honnêtement, Donc dans ce cas-là, oui, actuellement, j'en doute un peu, mais c'est très intéressant ce qui se passe là-bas, par contre. Mais ils n'ont pas les mêmes problématiques que nous, Français. Je sais pas si ça inspire quelqu'un d'autre, la Suisse ou autre chose. Ok. Je voudrais savoir jusqu'à quelle heure on a. On peut aller jusqu'à 17h30. 17h30 Oui, parce que je vais attendre que Didier revienne pour parler, mais comme il arrive, je vais continuer. Moi, la question que je me pose, c'est du côté du local et du global, c'est le local, c'est la place de la République, et le global, c'est ailleurs. Donc déjà, on a un terrain de travail qu'on n'a pas besoin d'aller chercher en Suisse. Moi, j'ai rien contre la Suisse, ni pour d'ailleurs, mais je vois pas bien. Quand on parle de la Suisse, on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, je trouve qu'on perd du temps à parler sans savoir de quoi on parle. Alors que sur la place de la République, moi je commence à connaître chacun mètre carré du territoire et donc je peux parler un petit peu de ce qui s'y passe. Et donc déjà savoir ce qui se passe pour Nuit Debout, c'est déjà pas simple. C'est-à-dire quels sont les. Pourquoi la place reste un terrain spécifique. Et qu'est-ce qui se passe dans les relations entre individus sur la place? Ensuite, pour ce qui est des extérieurs, je pense que il y a trois mouvements qui ont des caractéristiques communes depuis l'existence de Nuit Debout, entre autres, mais avant. Il y a Mélenchon, il y a Nuit Debout et il y a Macron. Et il y a des points communs à ces trois structures. Comme il y a des points communs, ça signifie que le local républicain que nous occupons peut trouver des points d'accroche sur le territoire de Macron et sur celui de Mélenchon. Et donc, il me semble que c'est dans ce sens que la production Nuit Deboutesque peut s'établir sur du concret. J'ai rien contre les moyens, mais si vous voulez, l'expérience, c'est pas une expérience, c'est la pratique d'aujourd'hui sur la place nous concerne directement, c'est-à-dire que ce qu'on dit influe sur ce qu'on fait, et réciproquement. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Alors, je voudrais dire, je prends l'exemple de ce qui se passe avec Mélenchon dans le 14e. Il y avait une assemblée citoyenne qui fonctionnait à peu près démocratiquement jusqu'à il y a 6 mois. Et brutalement, à partir du moment où il y a le résultat électoral de Mélenchon, c'est-à-dire 7 millions de voix, plus les équipes qui se forment pour la campagne législative, ils ont fait pire. C'est-à-dire que l'assemblée citoyenne du 14e a été fermée à clé et les discussions n'ont plus lieu. Mais par contre, il y a des actions qui sont proposées, du genre, ce week-end, je pense, il y a des courses à pied qui servent de programme électoral. Et donc, on dit aux gens, venez courir avec nous pour participer à la campagne électorale. Donc ça m'intéresse beaucoup parce que c'est du management inventé probablement par M. Éric Coquerel, qui était aussi manager de Florence Artaud. Et donc il utilise les méthodes de management en politique. Donc ça, je pense qu'il faut étudier ça de plus près. C'est tout pour l'instant. J'étais parti, mais j'avais remarqué que c'est arrivé là, que je pouvais parler. Merci Pat. Non, mais dis pas merci, ça sert. Du coup, est-ce que quelqu'un a envie de rebondir sur ces questions-là? Je rappelle donc que la parole est entièrement libre ici, n'importe qui peut prendre le micro, et que d'un point de vue donc thématique, on parle aujourd'hui des droits, mis en place éventuellement, de droits locaux, régionaux, sur le même principe que les droits coutumiers. Question, j'ai pas compris, c'est quoi les points d'accroche entre Nuit Debout et Macron? C'est-à-dire, c'est une analyse de l'espace dans sa totalité, c'est-à-dire économique, conceptuel et artistique. Et donc, à partir du moment où l'espace est en chaos et où c'est perçu comme chaos, on peut fabriquer des avenirs qui sont construits à partir de ce chaos. Sauf qu'on ne construit pas la même chose. Or, les points de départ sont identiques. C'est-à-dire que Macron a fait une analyse de la société où il a découvert que la société était en chaos et c'est pour ça qu'il a gagné les élections. Et Mélenchon avait fait la même analyse en 92, mais depuis 92, alors qu'il avait décrété que la société allait vers le chaos, qu'on n'y était pas tout à fait, aujourd'hui qu'on est dans le chaos, M. Mélenchon ferme les portes à clé de France Insoumise, c'est-à-dire que fermer les portes à clé, ça veut dire alliez-vous à mon drapeau, et sans discussion. Moi j'appelle ça du lambertisme mal digéré, puisqu'il était lambertiste en 92, et brutalement, avec 7 millions de voix, il continue à être lambertiste. C'est là que ça ne va plus du tout et qu'il va se planter. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. L'analyse de la société, elle est faite de la même façon, mais pas tout à fait de la même façon. Parce que Macron a plus d'argent, c'est-à-dire qu'il s'est payé les équipes de sondage qui ont fait un travail très sérieux pour construire un programme, et c'est ce programme qui a permis à Macron de gagner. Mélenchon, il avait une assise populaire qui, à mon avis, il a un peu sacrifié en ce moment, et Nuit Debout est né du chaos, est né du chaos social, et s'est structuré par occupation de la place. C'est-à-dire que nous, on n'a pas eu besoin de campagne électorale pour occuper la place. On l'a fait spontanément. Mais les analyses de départ sont les mêmes. Et évidemment, l'avenir dépend de ce que nous, on est capable de pondre comme concept allié à des pratiques. Macron, il a réussi à convaincre une majorité de travailler pour lui. Ce qui lui a permis de conquérir le pouvoir. Ensuite, ce qu'ils vont faire pour sortir du chaos, on n'en sait rien. C'est pour ça que dire que Macron est un banquier, pour moi, ça ne suffit absolument pas. La gauche aura besoin de ce qui ressemblera à une banque, même si ça s'appelle un roman. Vous avez des femmes. Ok, on est parti un peu loin du thème des droits locaux régionaux, mais... Ok. Très bien, on va essayer de se recentrer parce qu'on n'est pas là pour spécialement parler de M. Mélenchon ni M. Macron. Mais voilà, juste on est avec du peuple, hein, je précise. Et donc on parle de droits coutumiers locaux régionaux. On est dans un atelier, monsieur, c'est du peuple. Qu'est-ce que vous entendez par les droits coutumiers Non, c'est ça, moi j'ai une idée là. On a lu la définition Wikipédia tout à l'heure, qui nous a été lue, mais après chacun a un petit peu sa définition. C'est de l'éducation populaire en fait, nous on n'est pas profs en fait, c'est nous tous les profs. Donc j'ai pas de définition spécialement à vous donner, à part pour moi le droit coutumier c'est la coutume, c'est un peu les traditions, voilà. Ah d'accord. Après, vous voulez parler? Non mais, quelque part, ça fait penser aux identitaires. Gens identitaires, qui sont réputés d'extrême droite. Oh, on en a parlé de ça aussi, mais... Je n'étais pas là, donc j'arrive. Soit je me tais... Non, pas de souci. Hein. Mais du coup, c'est une question qu'on s'est posée, et qu'on a... Voilà. Et c'est quoi la réponse? J'en sais rien, on a trouvé une réponse ou pas? Oui. Ah, bon ben, voilà, on a peut-être une réponse là-bas. Non, messieurs, je ne sais pas si je vais pas répondre. Il me semble que vous vouliez parler. Non. Alors, non. Ça m'intéresse, le droit coutumier, régionaux, etc. C'est un sujet qui m'intéresse. Quand j'écoute, quand je lis ça, moi je pense tout de suite à l'identitaire. D'accord. Oui, tu t'en comprends. Oui, alors moi je viens d'entendre Sylvain qui encore une fois a fait la leçon. Tu dis que t'es pas prof, mais c'est ce que tu fais. Tu dis qu'on sort du sujet en parlant de Macron et de Mélenchon. Alors moi, oui, mais excuse-moi, mais prouve-moi que je sors du sujet. Moi, je suis en train de te dire que je ne sors pas du sujet. Donc, puisque la place de la République, c'est notre lieu local, et on a à s'adresser à l'extérieur, qui est un lieu extérieur. Donc, on est dans la recherche de notre droit coutumier, c'est-à-dire les coutumes de la place de la République. On est en train de fabriquer. Donc là, on est en plein dans l'histoire, on n'est pas dans les discours du genre « faut pas être prof » ou « on est à du peuple ». Je ne comprends pas ce que tu dis là. Rien du tout, je ne comprends pas. Je viens de réaliser que... C'est le bordel. Non. Je réalise aujourd'hui que c'est vous, en fait, qui prenez le pouvoir ici, c'est ça? Non, et vous avez chassé un jour M. Winkelkraut. On n'a chassé personne. Alors justement, bonne question. Moi je débarque parce que je n'ai pas de sujet. Continuez. Donc c'est quoi? Là j'aimerais que vous précisiez. Oui, alors on est en plein dans les bonnes questions et peut-être pas les bonnes réponses, parce que j'ai pas l'intention de donner une bonne réponse, je donne la mienne. On a chassé Finkielkraut contre l'avis d'un certain nombre de gens, dont le mien. Mais j'ai même pas eu à donner mon avis, il s'est retrouvé dehors sans discussion. Donc la question qui se pose ici a eu du temps beaucoup moins, parce que c'est un lieu où la parole est libre. Et alors que pendant certains épisodes de Nuit debout, la parole n'était pas libre. Elle n'a pas été libre pour quelqu'un qui s'est retrouvé dehors et qui a pu servir de cette éviction pour alerter la presse en disant qu'on était une bande de voyous. Et donc ça a eu un effet négatif. Mais ceci dit, la bataille pour la liberté de parole sur la place, ça n'a pas été une bataille simple, ça a été une bataille longue. Qui a fini par donner comme résultat que vous pouvez éventuellement protester contre l'éviction de Finkielkraut. Moi j'ai proposé de monter une galerie, on m'a dit pas question de monter une galerie ici. Tu dis une galerie d'art, oui. Camille, tu voulais parler? Non, je disais juste pour protester la venue de l'éviction de Finkielkraut, c'est un peu tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et que d'autre part, c'est pas moi, c'est monsieur qui a posé la question, et la question, elle est bonne. Moi, j'ai fini, là. Bon, moi, c'est quoi? C'est pas le sujet. C'est pas le sujet? Non, non. Ça va pas. Moi j'ai pas lu le Wikipédia que vous évoquez. Est-ce que rapidement vous pouvez me dire ce que vous entendez par droit coutumier et droits territoriaux? Qu'est-ce que vous entendez par ça? De manière générale, hein, pas forcément sur la place de la République, évidemment. Je ne vais pas parler tout seul, mais le droit coutumier de la place de la République... Si, non mais moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Ah, c'est c'est-à-dire que le droit coutumier dans les cantons suisses... Il faut que ce soit écrit, hein. Le droit coutumier de la République... Non. C'est le droit coutumier, c'est une question universelle, mais chacun peut le situer comme il l'entend. C'est-à-dire, moi, le droit coutumier suisse, je ne peux pas en parler, mais je ne connais pas. Mais si je connais la Suisse, je ne me suis jamais intéressé au droit coutumier suisse. Mais par contre, le droit coutumier de la place de la République, ça m'intéresse. Parce que ça signifie que les relations entre gens de la place sont fabriquées sur place par les gens qui sont sur la place. Et pas seulement les gens qui se promènent avec l'étiquette des deux mots dans leur tête ou sur leurs habits. Le droit sur la place, il est pour tous les gens qui viennent sur la place, y compris la police. Je vais en profiter. Du coup, pour répondre peut-être éventuellement à votre question, donc là, et pour ceux qui ne savent pas, donc aujourd'hui c'est un atelier spécial des DUCOP qui est donc quelle société veut-on, pendant 6 mois, je crois, Sylvain, ça? La première partie, bon, pendant plusieurs mois, il y a des propositions qui ont été recueillies. pour arriver à une société idéale. Et l'idée de la seconde partie de cet atelier maintenant, c'est de formaliser un petit peu ces propositions, et pas vers quoi est-ce qu'on veut aller, mais comment est-ce qu'on fait pour y aller, en gros. Oui, mais justement, le vers quoi, en fait, les propositions ont déjà été faites et elles sont figées, je sais pas. Qu'en penses-tu? Pas forcément, parce qu'on continue à en discuter de toute façon. Mais l'idée aujourd'hui et depuis dimanche dernier, c'est d'avoir vraiment un comment arriver à mettre en place, ou à formaliser, ou ce que vous voulez, ces propositions. Alors ça, en fait, c'est une des propositions, et Sylvain, je vais te laisser le plaisir de relire la proposition entière, qui sera peut-être plus claire. Oui, je rajouterais que c'est un atelier participatif, c'est les gens qui disent les choses, et c'est pas les gens qui ont le micro qui disent les choses. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas de définition du droit coutumier, puisque le but de cet atelier, c'est de le faire ensemble, et donc c'est à vous de dire ce que c'est, et pas le contraire. On en déplaise à certains. Donc, du coup, ce qu'on avait vu dans les droits, donc c'était déjà ce qui a été débattu la semaine dernière, c'était sur le droit à la propriété. Et donc là, en fait, la partie qui avait été vue à l'époque, en mois de septembre, c'était, donc, on pourrait imaginer des droits locaux ou régionaux, valables pour un territoire et une communauté, mais par une autre. Mais pas par une autre, pardon. Selon ses besoins et le contexte local. Un peu comme au droit coutumier, non écrit, qui s'applique encore dans beaucoup de situations agricoles, par exemple. Donc voilà. Donc le débat du jour, en fait, tourne autour de cette idée. Donc, voilà, des droits locaux ou régionaux, ou éventuellement un peu comme le droit coutumier. Donc forcément, on a abordé le droit coutumier, on a abordé les droits locaux, on a abordé les droits régionaux, on a essayé de définir ce que c'était le local et le régional. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a fait, si je peux résumer. Enfin, après, il y a quelqu'un qui prend des notes, donc il sera peut-être plus apte à dire, à faire le résumé. Mais lui, il en a écrit beaucoup, d'ailleurs, de notes. Donc voilà, là on était sur ce débat-là. Après j'entends qu'il a été mis, entre guillemets, sur le territoire de la place de la République. Ça peut être un bon exemple, effectivement. On a parlé de la Suisse, on a parlé de tout un tas de choses, on a parlé des pays africains, on a payé. Voilà, donc la parole est toujours ouverte, donc n'hésitez pas. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu plus clair, mais en tout cas, c'est ce qu'on fait depuis 15h30 cet après-midi sur cette place. Du coup, c'est un peu plus clair ou moyen? Et ce que je pense, parmi les travaux à prévoir et à mettre en chantier en ce qui concerne Nuit Debout, c'est que si je ne me trompe pas dans mon analyse, c'est-à-dire que s'il y a des points communs entre Macron, Mélenchon et nous, et je ne vois pas d'autres lieux sociopolitiques où je trouve des points communs. Un des travaux qui nous incombe, c'est de rechercher les points d'accroche chez Macron ou chez Mélenchon pour pouvoir établir des dialogues et pas seulement des conflits. C'est-à-dire que pour gagner un conflit avec Macron, il faut savoir de quoi on parle et où sont les points de contact, y compris avec Mélenchon. Et là, ça peut donner, ça peut produire quelque chose. Sinon, on est juste dans le discours. Je comprends pas par rapport à ce tour. Pourquoi Macron intervient dans votre discours, Mélenchon? Alors, pourquoi parler de Marine Le Pen à ce moment-là aussi? Pourquoi pas? C'est une question, hein. Effectivement, c'est une bonne question et j'aurais dû en parler. Mais si vous voulez, le problème qui se rencontre avec nous, c'est que, comme on a vu Rafik Delcroix, c'est vrai aussi que les gens qui votent Le Pen, ils sont pas très nombreux à venir au micro. Par contre, les électeurs de Mélenchon viennent. Et on n'a pas tellement vu de gens de Macron, mais moi personnellement, je recherche le dialogue, c'est-à-dire y compris avec des gens de Le Pen. Pas les cadres, ils n'y en ont pas, mais les électeurs, oui. Mais moi, si un cadre de chez Le Pen vient, je ne vais pas essayer de lui casser la figure, surtout s'ils sont plus nombreux que moi. Ça m'est déjà arrivé. Mais ceci dit, je refuse pas le dialogue, y compris avec les cadres du Front National. Non, mais vous ne le citez pas. Pardon ? Oui, effectivement, je ne les ai pas cités, c'est une erreur de ma part. Bah, oui, ça peut être aussi les gens et les républicains. C'est grosso modo, oui, c'est tout l'extérieur. Sauf, si vous voulez, la question qui se pose quand même vis-à-vis de Macron ou de Mélenchon, dans la relation avec Nuit Debout, c'est que moi, je peux expliquer pourquoi il y a des relations avec Macron et avec Mélenchon. Et j'aurais du mal parce que je connais pas bien ce qui motive la mère Le Pen, par exemple. Je le vois moins, c'est-à-dire que quand on connaît la théorie du chaos, j'ai du mal à rapprocher ce que raconte Le Pen de la théorie du chaos, alors que chez Mélenchon ou Macron, c'est visible, hein, de mon point de vue. Alors, quand il parle de la théorie du chaos, c'est dans le sens scientifique. Le chaos, c'est pas le bordel. Je connais pas du chaos. Mais moi, je voulais revenir au sujet, c'est-à-dire de ma manière de voir à moi, qui n'a rien à voir avec les siennes. À mon avis, les règles sont, enfin, que ce soit le coutumier ou pas, des règles de vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, c'est dans la culture. Il n'y a pas besoin de faire des règles exprès. À partir du moment où on a une culture, on a des règles. La culture, c'est ça. C'est comment on vit ensemble. Parce que on parlait dans des régions, des droits, enfin, des coutumes des régions. Le droit coutumier, déjà, c'est une aberration, un peu. C'est... comment dire... Comme je disais, chaque région a sa manière de vivre, de comment dire... De travailler, de se marier, d'avoir des enfants, etc. C'est partout, ça c'est universel. Mais chacun le fait à sa manière, suivant sa coutume. Et sa manière de faire devient la coutume. Et c'est ce qui fait la richesse et la diversité de tous les pays, de toutes les régions localement. Mais maintenant, à partir de, sans vouloir à tout prix parler de Macron, mais de la libéralisation, de la mondialisation, etc., il n'y a plus de culture. C'est-à-dire la culture, c'est foutre le bordel, justement dans le sens du bordel, pas du chaos. C'est parler plus fort que les autres, c'est occuper les revues, la radio, la télévision, être toujours présent. Mais pour y être, il faut faire scandale. Parce que si vous dites des choses intelligentes, ça n'intéresse personne. Donc il faut faire scandale, comme ce fameux Fitrin Kraut que je ne connais pas, qui est venu, à mon avis, faire un peu de bordel pour qu'on parle de lui. Parce que le lendemain, dans les journaux, on a parlé de lui. C'est ce qu'il voulait. Parce qu'il a été chassé. Donc, oui, mais il s'est fait chasser pour qu'on parle de lui. Non. Et le lendemain, dans les journaux, etc. Mais Macron, il fait pareil. C'est ton avis, en tout cas. Et Mélenchon, il fait exactement pareil. C'est-à-dire, ils font n'importe quoi. Disait en général, dans tout ce qu'ils disent, dans tout ce qu'ils font, pas que ici, c'est pour qu'on parle d'eux. Parce que c'est la culture du. Enfin. C'est la pseudo-culture dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous devenez beau, riche, intelligent si on parle de vous. Si on ne parle pas de vous, vous êtes personne. Ici, le président de la République, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut prendre le micro, on peut parler, on est toujours personne. Et T'es sûr que t'es personne, toi ? Oui, oui, moi, je suis absolument personne. Personnellement, personne. Et c'est... Ce qui compte, c'est simplement de... Enfin, comment dire ? En venant ici, j'ai appris plein de choses, et c'est ça qui m'intéresse. Mais même si c'est lui qui parle, même si je ne comprends pas les trois quarts de ce qu'il dit, j'apprends des choses. Et ça, il n'y a aucun autre endroit en France que je connaisse où on puisse apprendre des choses personnelles, justement. Des personnels de gens qui sont personnes, mais qui ont un avis, qui réfléchissent, qui pensent, et qui comprennent. Donc, forcément, je ne suis pas toujours d'accord avec, mais ça m'aide à me comprendre moi-même et à évoluer. Et c'est ça, Educ Pop debout, c'est ça Nuit debout, et c'est ça qui est important. Et ça, ça ne se trouve pas ailleurs. Oui, si vous voulez parler, vous pouvez prendre le micro, mais je veux rebondir sur ce que dit Didier. C'est-à-dire que, si vous voulez, je suis un peu d'accord avec lui sur ce qui est de l'utilisation des médias par les grands personnages qui deviennent grands parce qu'ils se servent des médias, qui se servent d'eux pour devenir les médias qui sont regardés. Mais sauf que ces gens-là, ils n'expriment pas leur culture intime. Ils en ont une, mais elle ne sert pas beaucoup dans les télévisions. La théorie du chaos, par exemple, c'est une théorie qui est enseignée dans certaines écoles d'ingénieurs, et pas toutes, mais vous ne trouverez pas ça dans les facs. Parce que c'est trop spécifique, et c'est transversal, c'est-à-dire ça fait partie de plusieurs sciences en même temps. Et s'il y a des étudiants qui se promènent sur la place et qui ont entendu parler des théories de la complexité, qui viennent nous voir, vous voyez, ça c'est un bouquin qui traite du problème par une marxiste qui fait partie du brain trust marxiste français qui est l'espace Marx. Quand cette dame veut faire une conférence à l'espace Mars, le patron de l'espace Mars, M. Cohen Seat, dit non, tu feras pas la conférence, tu la feras à Lille, tu feras à Bordeaux, mais pas à Paris. Et donc, Janine qui répond, oui monsieur, oui chef, oui camarade, je m'écrase. Donc voilà ce qui se passe avec la théorie de la complexité dans le mouvement marxiste qui se prétend mouvement pour essayer de changer les choses. Mélenchon a pondu un bouquin qui était à la bibliothèque, là, qui a disparu parce que j'ai oublié de le reprendre, à la poursuite du chaos, c'est à peu près les mêmes théories que ça. Si vous voulez apprendre ce qu'il y a dans ce petit bouquin, vous allez avoir un mal fou à vous le procurer. T'allais expliquer la théorie du chaos, tu t'es interrompu. Donc, je peux vous en dire deux mots. C'est la théorie de la complexité. Une structure, aujourd'hui, est une structure complexe par l'arrivée des ordinateurs. C'est beaucoup plus possible aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Et un système est complexe à deux conditions. Premièrement, ses paramètres ne sont pas certains, c'est-à-dire il y a l'incertitude qui intervient pour la définition des paramètres. Et deuxièmement, c'est un système muni de rétroaction, dont obligatoirement une rétroaction qui peut être positive. Et donc, ça se traduit par un schéma que M. Edgar Morin utilise dans ses œuvres incomplètes, sauf que M. Edgar Morin ne cite pas ses sources scientifiques, ou il les cite très vite, et il n'a pas du tout épuisé la richesse des théories de la complexité. Maintenant, il en fait une soupe qui est à peu près n'importe quoi, qui n'est pas très intéressant, et qui est... Allez, ne grille pas avec Edgar Morin, on l'invite. Et que, oui, non, mais il est déjà venu ici, mais il a parlé d'autre chose. Il revient maintenant. Et que d'autre part, il a un staff, Edgar Morin, qui est composé de chercheurs. C'est une multinationale, Edgar Morin, oui. De chercheurs du CNRS. À lui tout seul. Et ces messieurs, ils sont hermétiques. Si vous voulez causer avec eux, il faut que vous soyez diplômé de quelque chose. Alors la place de la République ne délivre aucun diplôme. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Une idée à creuser. Alors, du coup, moi, je voulais juste faire un petit point technique. Donc, on est là depuis un peu plus de 2 heures, un peu plus de 2 heures maintenant. Donc, il y a discuté toujours sur la question d'une éventuelle mise en place de droits locaux, régionaux, etc. On a un petit peu dérivé, mais ça reste très intéressant. Je voulais juste dire, il nous reste à peu près 5-10 minutes avant qu'on clôture le débat d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas toujours à prendre la parole. Et puis, dans 5-10 minutes, on fera la conclusion. Du coup, est-ce que quelqu'un a... Ah, bah... Un élément dont on n'a pas parlé, je pense qu'il y a petit à petit une perte des accents locaux au profit du parisien. Je veux dire, de moins en moins l'accent de l'ouest de la France, de moins en moins l'accent de l'est de la France, au profit de l'accent parisien, le mien. Allez-y, je vous en prie. Allez, pour l'accent, pour la musique. Allez, pour l'accent. Oui, oui, bien sûr, mais c'est pas que les accents. En fait, tout le monde est habillé pareil de plus en plus. Voilà. Et c'est... Voilà, on va pas parler d'un grand complot mondial, mais on a un peu envie quand même. Voilà. Un complot qui vise à uniformiser les modes de vie, de pensée, etc. Oui, je pense. Je pense par la concentration de la presse, par voilà. Par contre, moi je suis une fan de l'internet et tout ça. Actuellement, l'internet est encore à peu près libre, il est de moins en moins, mais je pense que ça peut être un espace qui, paradoxalement, mène à l'uniformisation, mais peut aussi permettre l'expression de pensées autres et de cultures. Voilà. À chaud comme ça, en passant, avec un peu d'accent québécois. Voilà. Merci. Je me permets de parler dans le micro pendant qu'il passe. Merci madame, vous êtes d'où dans le Québec? Rimouski, le bas du fleuve. Oui. Là où le fleuve fait 50 km. Vous savez, il y a un Français qui vit au Québec, qui est un très grand artiste. Il n'a pas pu s'exprimer en France et il vit à Montréal. Il s'appelle... Je ne me souviens plus de son nom, mais... Il est pas c'est un... Non. C'est un type qui a travaillé à la communication il y a 30 ans. Et il y a son acolyte... Ils ont créé le mètre carré artistique. Et le Fred Forest va avoir une exposition à Beaubourg, que Beaubourg a eu un mal fou à bien vouloir lui conseiller. Et il vit au Québec. Oui. Ce que je voulais dire à propos de la culture qui disparaîtrait, moi je suis absolument pas d'accord. Le réseau internet permet des échanges d'idées hors médias dominants, et donc ça fabrique une culture. Pardon, nous parlions de la diversité qui tend à se réduire, pas de la culture en général qui elle réduirait au contraire. Oui, au contraire, on en consomme plus. Moi, je pense que la notion de diversité, elle acquiert une nouvelle forme par le réseau Internet. C'est-à-dire la diversité se multiplie ses formes, même s'il y a des formes qui disparaissent, il y en a d'autres qui naissent. Et donc ça, c'est complètement fondamental. Et c'est grâce à ce type de réseau que Nuit Debout existe. Sans réseau, Nuit Debout n'existerait pas. Pas vrai. C'est pas vrai, parce que moi j'ai connu le réseau bien après être venu sur la place. Même s'il n'y avait plus de réseau, je viendrais quand même sur la place. Mais ça a été un facteur quand même. Dis-je, excuse-moi, mais... Une réponse là, qui moderne, madame, mon Dieu, vous voulez là. Parler? Sinon, c'est Pierre qui va parler tout le temps. Non, Nuit Debout a pu naître parce qu'il y avait un réseau qui lui était antérieur. Ensuite, qu'il y ait une communication physique qui s'installe sur la place pour doubler le réseau, heureusement, et c'est un réseau de chair et d'os, qui n'est pas qu'un réseau d'ordinateurs. Mais sans réseau, Didier, excuse-moi, il n'y aurait pas de Nuit Debout. Sans Internet. Sans Internet. Il y avait madame qui voulait parler. Je crois que madame, vous vouliez dire quelque chose. Non, du tout. Bon, alors est-ce que quelqu'un veut rebondir sur les questions de réseau qui ont permis de former Nuit Debout? Ou sinon, je vais me permettre de conclure. Bon, bah du coup, je vais me permettre de conclure. Donc, on était aujourd'hui à l'atelier éducation populaire. Quelle société veut-on? Comme je disais tout à l'heure, donc on en est à la deuxième partie où on va essayer de formaliser comment est-ce qu'on pourrait atteindre ou mettre en place donc les différentes propositions qui ont été faites. Cette deuxième partie a commencé la semaine dernière, on continue toutes les semaines, donc tous les dimanches. Vous êtes les bienvenus évidemment pour revenir dès dimanche prochain pour éventuellement continuer cette discussion donc, sur pensée, formalisation d'un éventuel ou d'éventuels droits au niveau local, régional, donc sur un petit peu l'idée de la, du droit coutumier. Et je vous remercie à tous d'être venus, d'avoir pris la parole, d'avoir échangé, écouté. Et je vous dis donc à dimanche prochain, 15h, au même endroit. Merci. Vous avez des liens, donc il faut que le PAG, l'éducation populaire, c'est un rapport avec le PAG.